Mon bon ami, vous vous êtes laissé enguirlander. Vous savez, la chose n'est pas faite encore. Alors ne la faites pas, croyez-moi, Mézin, je vous aime bien. Comme on l'aime, son petit Mézin. Ne la faites pas. L'affaire ne me paraît pas tellement mauvaise. Mais l'homme qui l'a fait. Eh bien, il a ses qualités. Je déteste les faibles et j'en ai peur. Laissez-vous faire seulement. Prenez-le seulement avec vous, ce beau fils. Et vous voilà comme avec de l'eau de sel se déboucher. Comme avec une bouteille de soda pointue qu'on ne sait plus où poser. On dit qu'il va s'installer chez vous avec toute sa smala. J'ai connu un type comme ça dans le temps. On l'appelait Bernard l'ermite. Toute la smala, y compris la femme. Qu'est-ce que vous en pensez de la femme, mon petit gars? Méza, c'est à vous ce beau rockingchair en or? Il serait plus vrai de dire que c'est Méza qui est au rockingchair avec défense de s'en servir. Il n'y a pas moyen autrement de me débarrasser de ce frelon en pied qui me l'a vendu. Et alors, moi, dis, vous me permettrez de m'en servir de temps en temps? Lisez, je ne vous comprends pas. Figurez-vous, nous arrivions de Harare, rien que le temps d'embarquer à Aden, avec les bagages et la domestique et ses enfants dont il faut s'occuper. Pas le temps de rien se procurer. Ça va, tant que vous voudrez. Tant que vous voudrez. Eh bien, j'ose dire, mon cher monsieur, que vous ne vous en servirez plus souvent de votre bourrotine chère en or. Je ne le prendrai pas beaucoup, il s'en sert jamais. Il est tout le temps à se promener d'un bout à l'autre du bateau en se frottant les mains. Moi aussi, j'aime marcher. Nous avons fait une grande promenade ensemble ce matin. L'heure la plus fraîche. C'est si bête de laisser le soleil se lever tout seul. Vous savez, Félicien, monsieur serait poète que ça ne m'étonnerait pas. Elle est folle, ne faites pas attention, elle dit que ce qui lui passe par là. Mais ça fait plaisir de rencontrer des gens intelligents. Depuis le temps que vous me faites vivre avec les sauvages. Rimbaud n'était pas un sauvage. Parlez-en de votre Rimbaud. Rimbaud, Arthur Rimbaud, c'était mon associé à Harare, que lui ai laissé mon affaire. Les affaires de cuir, comme on dit. Il y a les cuirs verts et les cuirs pas verts. Avec un peu de contrebande d'armes à la clé, probablement. Mais non, mais celui qui est de si idiot. Il y a de magnifiques couchers de soleil, Ara. Oh, pour ça, un peu de couchers de soleil, nous ne craignons personne. C'est à peu près tout ce qu'on a pour se distraire. Moi, je t'ai transporté. Quelquefois, je lui disais, voyons, un beau dit, tout de même, vraiment, vous ne trouvez pas cela beau? Mais lui ne disait rien. Et il me regardait de son œil d'abruti. Le soleil d'abord et moi après. Tu exagères. En affaire, ce n'est pas un imbécile. Ah, ça n'est pas comme Méza. Alors, c'est entendu, je vous appelle Méza tout court. Hein? Méza. Tout ce qu'il a pu nous dire sur Lakshmi et la saignée du bras, c'était patent. Racontez-moi, Méza. Lakshmi est l'épouse, ou plutôt comme on dit, la parente de Brahma. On la représente toute bleue, au milieu d'une espèce d'arc-en-ciel vert. Vert. Vous comprenez que c'est à cause de la mer qui était toute rose qu'il disait ça. Rose, rose, rose. Il n'y a pas seulement du rose, il y a cette délicieuse teinte de soufre. De soufre, parfaitement, c'est comme à la chenille du bras. À la chair de la chenille du bras. Un bras de femme, bien entendu. Et si tu connais en matière de chair de bras de femme, je vous en réponds, notre Méza. Ah, ça vaut la peine d'aller se promener de bon matin sur le pont. J'étais là, pour regarder de loin. Pas très loin. Mais j'adore ça, de marcher les pieds nus dans l'eau fraîche. Avec ce sable qui vous crie et gratte sous les pieds alors qu'on lave le peau. Il y a les yeux aussi. Comment est-ce qu'on dit ces yeux? Il y a aussi les yeux. Je ne me rappelle plus. Elle est folle, ne faites pas attention. Vous feriez mieux de vous occuper un peu de vos bagages. Le bateau est sans dessus dessous avec la fête qu'on prépare pour ce soir. La fête, bravo! Ça nous permet aujourd'hui d'avoir le bateau pour nous tout seuls, c'est bien agréable. Ma chère, je vous assure que j'ai absolument besoin de vous. Mais à vous, je vole. Et vous ne bougez pas, je reviens. Je vous défends de bouger, je reviens dans un moment. Elle est charmante. Ses yeux ont une autre couleur. La mer change de couleur comme les yeux d'une femme que l'on saisit entre ses bras. Et je vous défends de vous servir de mon rocking chair. Ses yeux comme les yeux d'une femme. Que l'on saisit entre ses bras. Et voilà. N'est-ce pas qu'elle est charmante? Oh, vous savez que je ne connais pas grand-chose aux femmes. Ah, pour ça, bien sûr que c'est vrai. Et les madames ne connaîtront jamais rien à vous. Eh bien, moi, je vous aime et je vous connais, plus que vous ne croyez. Elle-même, c'est un fait. Et pourtant, vous lui plaisez. C'est drôle. Elle a peur de vous et elle veut savoir ce que vous pensez d'elle. Je pense que c'est une effrontée coquette. Ah, vous êtes drôle avec votre effrontée coquette. Vous n'y entendez rien, mon cher. C'est une femme superbe. Voilà ce que vous ne cessez de me rabâcher depuis que nous avons quitté Aden. Est-ce que cela est vrai? Et avec ça que vous ne le savez pas? Si distrait que vous soyez, je crois que je vous ai mis la chose dans la tête à la fin. Cette scène que vous lui avez faite hier au soir, cette cigarette qu'on vous a donnée, vous qui ne fumez pas, comme vous l'avez achevée avec dévotion. Allons, soyez pas confus. Vous êtes stupide. Mon cher, dites ce que vous voulez. Moi, je n'aime que les blondes. Ce n'est pas une coquette, méfiez-vous-en, c'est une guerrière, c'est une conquérante. Faut qu'elle subjugue et tyrannise ou qu'elle se donne, pourquoi pas, maladroitement, comme une grande bête piaffante, une jument de race. Ça m'amuserait de lui monter sur le dos s'il y avait le temps. Mais elle n'a pas de cavalier avec ses poulains qui la suivent. Elle court comme un cheval tout nu. Je la vois, s'affolant, brisant tout, se brisant elle-même. Elle est étrangère parmi nous. Elle est hors de son lieu et de sa race. Une femme de chef. Il lui fallait de grands devoirs pour l'attacher. Une grande housse d'or. Bah, ce mari qu'elle a. Cette espèce d'ingénieur et de combinard à la manche. Vous voyez bien que c'est un vice pour elle. Il n'a su que lui faire des enfants. Ça fait peur de les voir tous en route pour la Chine. Rien que ça, ils ont leur idée sur vous. Bernard l'ermite, voilà. Toute la famille de Mister Bernard l'ermite Esquire. Méfiez-vous-en, petit gars. Salon, lui, de me porter mes affaires. Il n'est pas content. Moi, je suis contente d'aller de l'avant en avant. Forward, hein. Je voudrais qu'on n'arrive jamais. Mais pourquoi est-ce qu'il n'est pas content? Regardez-le, il a toujours l'air de faire son plan dessus. Et moi, je suis contente. Bah, vous voudriez peut-être que je ne sois pas contente, mais si. Si, je suis contente. Vous êtes contente et Amalric est satisfait. Parce qu'il réussit. Moi, j'ai été nettoyé l'an dernier. Rincé comme un verre à bière. Mais si, j'en recommence. Peut-être parce qu'il est nécessaire. Non, parce qu'il est occupé, tout simplement. Beaucoup de choses qui me sont nécessaires. Beaucoup de choses à quoi je suis nécessaire. Amalric, vous réussirez. Vous êtes adroit de vos mains. Vous faites bien ce que vous faites. Il a des mains agréables. Car les choses sont comme une vache qui sait bien ne pas se laisser traire quand elle veut, la vache. Il est bien assis sur ses propres ressorts. Il est sûr de sa place en tout lieu que ce soit. Et moi, je n'ai de place nulle part. Une chaise longue puisse les sur une main, un paquet de clés dans mon sac. Voilà mon ménage et mon foyer. Le soleil, là dehors, en plein milieu du ciel. Le voilà, notre foyer, troupe errant. Ne le trouvez-vous pas allumé comme il faut? Satisfait ou non, qu'est-ce que ça fait? Regardez-le, le patron, avec un milliard de rayons tout occupé après la terre, comme une vieille femme au mal de son crochet. Il me tue, il en met trop, je ne peux pas le supporter. Espérez un peu que la nuit vienne. Je suis comme ces grandes bêtes qui ne vivent que la nuit. La pleine force du soleil. La pleine force de ma vie. C'est bon que l'on puisse voir tout en face, la mort comme le reste. Et j'ai force pour lui résister. Midi, bientôt au ciel. Midi, au centre de notre vie. Et nous voilà ensemble autour de ce même âge de notre moment. Au milieu de l'horizon complet, libre, déballé, décollé de la terre, regardant derrière et devant. Derrière tout cet énorme passé, derrière nous, qui nous pousse en avant avec une puissance irrésistible. Et devant nous cet énorme avenir qui nous aspire avec une puissance irrésistible. Ah, mon Dieu. Hein? Pourquoi soupirez-vous? C'est amer à remâcher d'avoir fini d'être jeune. Redoutable de commencer à finir d'être vivant. Et très beau de ne pas être mort, mais d'être vivant. Le matin était plus beau. Qu'en dites-vous, Mesa? Le soir le sera plus encore. Avez-vous vu hier tout ce qui naissait de la grande substance de la mer? Feuillage vert et lacrose et tabac et traits de feu rouge dans le brouillant chaos clair. Couleur, huileusement de la couleur de toutes les couleurs du monde, la mer, le profond vide. Vous verrez ça quand on lèvera l'étoile. Il y a le soir qui finit par arriver tout de même. L'heure est la meilleure qui est celle-ci. Je ne demande qu'une chose, voir clair. Bien voir distinctement les choses comme elles sont, ce qui est bien plus beau, et non comme je les désire. Ce que je fais... Et ce que j'ai à faire? Il n'y a plus de temps à perdre. Le temps ne manque point. C'est nous qui lui manquons. Ça va, ça va. On arrive, on arrive. Ah, mais Amérique, vous devez avoir du succès à Pondichéry comme acteur de société. Laissez faire que ma chance me passe à main. Je ne la manquerai pas. Hein. Que c'est drôle tout de même. Les oiseaux et les petits poissons ont un endroit pour y faire leur ménage. Une haie, un trou sous le chicot du saule. Nous autres, tous les quatre, nous n'avons pu nous arranger d'aucune place. Nous voilà ballants sur ce pont de bateau au milieu d'une mer absurde. La flotte, on flotte, nous flottons. Vous autres encore, vous êtes libres, mais moi, pauvre femme, avec ses enfants dans mon tablier, 4 membres chacun, et ça fait des bouches aussi. Il me faut m'arranger à vivre maintenant comme un garçon, avec ces 3 hommes qui ne me lâchent point. Et ma maison, c'est ce rocking chair qui n'est pas à moi. Et 8 colis sur le bulletin de bagage. 3 malles de cabine, 3 malles et 2 caisses dans la soute, une valise et une malle à chapeau. Nom de Dieu, mes pauvres chapeaux! Ne jurez pas comme ça, c'est affreux. Elle est mal élevée, la dame, vous savez. Voici l'âge où il est inquiétant d'être libre. Chou! Quoi de mauvais présage? Examinons bien nos figures, comme lorsque l'on joue au poker les cartes données. C'est important. Nous voilà engagés ensemble dans la partie comme 4 aiguilles. Et qui sait la laine que le destin nous réserve à tricoter ensemble tous les 4. Il n'y a plus de temps à perdre. Il n'y a plus à faire le difficile. Mais un petit mot encore, je vous prie. Si vous ne saviez pas que nous étions à bord. Nous étions déjà partis quand je vous ai reconnu. Ils étaient tous restés à l'arrière. Il n'y avait que nous deux à l'autre bout. Cette grande femme qui s'épaulait contre le vent. Ainsi vous m'avez reconnu tout de suite. Ainsi je ne suis pas tant changée depuis 10 ans. Elle-même. La même, je vous dis mieux. Un regard m'a suffi. La même que je connaissais, la même stature, ce même noir tout à coup sur l'air, libre et droite, hardie, souple, résolue, quelque chose qui est là, tout d'une pièce. Toujours jolie, hein? Je vous ai bien reconnue. Je me rappelle. J'avais mon grand manteau et mon chapeau de feutre. C'est elle, c'était vous. J'étais contente. Ah, dites, malgré tout, dans le fond, on est toujours content de partir. De laisser toute la nom de Dieu de sacrée boutique derrière soi, hein? Point de mouchoir, point de chapeau que l'on agite pour nous autres. Non. Pas une pauvre petite femme quelque part qui chine de tout son cœur, non? Quelques veuves bien aimables, quelques petites vierges droites comme une verge d'osier et ronde comme un sifflet. Bon, c'est bien, ça ne fait rien. J'étais contente, comme tout était salé. Un de ces ciels méchants, ravagés comme je les aime. Et la mer, aïe donc, comme elle sautait sur nous, la païenne. Voilà une mer. Mais ça, ici, c'est un parquet sur qui nous patinons ennuyeusement. Et c'est si rétamé que ça gêne, comme vous dites. Quelle souillasse magnifique nous faisons là-dessus. Et vous dites que vous aimez ces eaux dormantes, endormantes. Je les aime. J'aime sentir qu'on fait son trou dedans et qu'on va tout droit. Mais je déteste être ainsi manié, berné, bercé, brossé, croissé, culbuté, comme là-haut, près de la crête, oh là là, par ce fou de vent dont on ne sait ni qui ni pourquoi. Ici, au moins, tout est fini à la bonne heure. Tout est réalisé pour de bon. La situation réduite à ses traits premiers, comme au jour de la création, les eaux, le ciel, moi entre les deux, comme le héros Isdubar. Amalric. Vous n'avez pas toujours autant détesté ce fou de vent dont on ne sait ni qui ni pourquoi. Isée, pourquoi l'avez-vous pas voulu à ce moment? Vous n'aviez pas d'argent. Ah. Et puis quoi? Vous me sembliez trop fort, trop assuré, agaçant. Trop sûr de vous-même, un peu ridicule. Ah, la confiance qu'on sent, que vous avez dans vous, une espèce de confiance religieuse. Moi, je veux que l'on ait besoin de moi. Vous voyez qu'on peut se passer de vous, vous-même. Et puis quoi? Et puis quoi? Je me sentais faible auprès de vous. Ça me vexait. C'est pour ça que vous l'avez épousé. Je l'aime, je l'ai aimé. L'homme de vous deux, je n'ai pas un lit qui est le plus fort. Oh, quand il me regarde d'une certaine façon, j'ai honte. Quand il me regarde de ses grands yeux au long cil, il a des yeux de femme, tout à fait, de ses grands yeux glauques. On ne peut rien voir dans ces yeux-là, le cœur me tourne. Et j'ai plutôt fait de lui laisser faire ce qu'il veut. J'ai essayé, je ne puis lui résister, pas. Voilà de quoi vous êtes en colère contre lui. Il vous aime pourtant. Il ne m'aime pas, il m'aime à sa manière, il n'aime que lui. Je me souviens de notre nuit de noces. Et tous ces enfants que j'ai eus coup sur coup, car il y en a un que j'ai perdu. Les fuites, les craintes, les aventures, toutes les histoires qu'on a avec les créanciers, c'est à ce temps, si vous savez. Tant d'années de ma jeunesse que voilà passé. Et cependant, Isée, cette grande matinée éclatante quand nous nous sommes rencontrés, ce froid dimanche éclatant à 10 heures sur la mer, quel vent féroce il faisait dans le grand soleil, comme cela sifflait et cinglait, et comme le dur mistral herçait l'eau cassée. Toute la mer levée sur elle-même, tapante, claquante, ruante dans le soleil, détalant dans la tempête. C'est hier, tiens, sous le clair de lune, profond de la nuit, qu'enfin, engagé dans le détroit de Sicile, et ceux qui se réveillaient, se redressant, effaçant la vapeur sur le hublot, avaient retrouvé l'Europe, tout enveloppée de neige, grande et grise, sans voix, sans figure, les accueillant dans le sommeil. Et ce clair jour de l'Épiphanie, nous laissions à notre droite derrière nous la Corse, toute blanche, toute radieuse, comme une mariée dans la matinée carillonnante, pour venir d'Égypte à l'horizon. Moi, je ressortais du bout du monde, du fond de la mer, ayant bu mon premier grand coup de la vie, et ne rapportant dans ma poche rien d'autre qu'un poing dur et des doigts sachant maintenant compter. Alors, un coup de vent comme une claque fit sauter tous vos peignes, et le tas de vos cheveux me partit dans la figure. Et voilà la grande jeune fille qui se retourne en riant. Elle me regarde, et je la regarde. Je m'en rappelle. Vous laissiez pousser votre barbe à ce moment, elle était roide comme une étrille. Comme j'étais forte et joyeuse à ce moment, comme je riais bien, comme je me tenais bien, et comme j'étais jolie aussi. Et puis la vie est venue, les enfants sont venus, et maintenant vous voyez comme me voilà réduite et obéissante, comme un vieux cheval blanc qui suit la main qui le tire, réalisant ses 4 pieds, l'un après l'autre. Alors, je vois que l'on s'y rire encore. Ah, alors maintenant en prison, et maintenant je suis libre, et l'air de la mer me monte au nez. Amalric, il ne fallait pas me croire si vite. Il ne fallait pas me prendre cruellement au mot. J'étais si folle à ce moment. C'est drôle, je me sens si petite fille encore. Voilà, je n'ai point eu de parents pour m'élever, Amalric. Une étrangère, je n'emploie pas tous les mots comme il faut. J'ai poussé toute seule à ma façon. Il ne faut point me juger mal. Avec un autre, tout cela aurait pu être autrement. Ces beaux yeux brillants. À présent, voilà que vous avez les larmes aux yeux. Mmh. Quelle bête vous faites. Et me voilà reparti comme cela, de nouveau, pour où? Je n'en sais rien. Comment, mais votre mari n'a-t-il pas ses affaires en Chine? Mais rien du tout, que ça change, tant qu'il se confie. Oh, c'est une bonne plante à caoutchouc, toujours prête à gagner et à foisonner. C'est une liane gloutonne, il trouvera son arbre, l'arbre qu'il lui faut. J'ai vu qu'il cause beaucoup avec notre compagnon Mesa. Mesa m'a parlé de ses chemins de fer qu'il fait vers le Siam. Franchement, c'est ligne télégraphique vers les États Shan. Vous savez ça, non? Non, je ne sais pas du tout. Maski, nous nous sommes toujours arrangés. Mesa, j'aime à causer avec lui, moi. Il ne regarde rien, s'il fait attention. Ce n'est pas à vous, mais seulement à ce que vous dites. Comme si cela résonnait tout seul. Hein. Et si la chose lui dit ou pas, son visage s'éclaire ou s'assombrit, enfin on voit tout ce qu'il pense à mur. Ça fait pitié. Il est rude. Et, enfin, roi des rudes. Comme ceux qui ont en eux une grande semence à défendre. Je le crois intact. Ne vous moquez pas. Ah, je ne me moque pas, pourquoi vous êtes en colère? Oh, mais non, mais je l'aime, vous fassiez pas. J'estime ce garçon et je voudrais qu'il m'aime et m'estime. Pourquoi est-ce que vous êtes toujours avec moi et ne me lâchez-vous pas d'un pied? Qu'est-ce que les gens pensent? Je vois qu'il nous regarde. Et je suis sûre qu'il nous a vus hier, lorsque vous m'avez embrassé. Je vous laisserai donc. Me voyant tout seul, je suis allée auprès de lui cet autre soir. Vous savez, quand nous avions fait venir ce pauvre bonhomme, Léonard, qui nous chantait ces choses bêtes de café-concert, il n'était pas resté avec nous. Vous vous rappelez, j'avais ma robe de crêpe de Chine noire. Vous trouvez qu'elle me va bien? J'étais allée le rechercher, m'accouder auprès de lui. Il m'injuriait de tout son cœur, à voix basse, et bien me traitant. Comme traité, je ne suis jamais sacré bonsoir, comme vous dites. je lui demandais pardon. Je pleurais à chaudes larmes, comme une petite fille. Oui, c'est ça, comme une petite fille. Oh, du moins, c'est tout à fait ça ce que j'aurais dû faire. Pauvre Isée. Oui, vous avez raison, Isée, Isée, pauvre. Pauvre Isée. Pauvre Mesa. Et l'on dit qu'il a une grande position à la Chine. Oui, il a été fait commissaire de la douane tout jeune. Il parle tous les dialectes. C'est le conseiller des vice-rois du Sud. Enfin, c'est lui qui peut le plus en ces lieux. Il est sombre, le monsieur. Il est là. Il a d'autres idées. Enfin, il dit que c'est la dernière fois qu'il revient. La manière ligieuse, oh, sacré bonsoir. La manière ligieuse, comme on dit. L'affaire de quoi lui parle votre mari, je ne sais ce que c'est, l'a frappé. Et moi, je lui conseille de se méfier. Oh, il cherche quelqu'un pour ses lignes. C'est une très grosse affaire. Une très grosse affaire, dire que le climat soit bon, bon, bon, ça... Enfin, votre mari, il a l'habitude de ces pays chauds, votre mari. C'est son affaire, à cet homme, les pays chauds. Je sais qu'il s'est toujours occupé d'électricité. Mais comme cela va bien, nous les laissons donc ensemble, mais à lui. Et je m'en vais, prenant Isée, tenant Isée, emmenant Isée avec moi où je vais. Vraiment, cher monsieur. Vraiment, mon petit Amalric chéri. Pensez-vous que l'on me prend? Pensez-vous que l'on m'emmène comme ça? Si je le voulais, pourtant. Quand je le voudrais, ma guerrière, je vous mettrai la main sur l'épaule. Je prendrai Isée, je tiendrai Isée, j'emmènerai Isée avec moi où je voudrais, avec cette main que vous voyez, qui est une grosse et vilaine main. Tant pis pour vous, en ce cas. Je ne porte pas où je vais le bonheur. Cela est vrai, Isée. Pourquoi attendre? J'ai les mains agréables. Et vous savez bien que vous ne trouverez pas ailleurs qu'avec moi la force qu'il vous faut. Et que je suis l'homme. L'homme. Il est l'homme. Il dit qu'il est l'homme. Et moi, je ne suis pas la femme, peut-être? Qu'en dites-vous? Est seul en scène. Mézard au dessin du pont supérieur. Qu'est-ce que vous lisez là, qui est défait et déplumé comme un livre d'amour? Un livre d'amour. Page 250. Vous avez eu raison de l'éplucher de ses feuilles extérieures. Le difficile est de finir, c'est toujours la même chose, la mort ou la sage-femme. Il faut lire dans les deux directions à la fois. C'est toujours trop long. Un écrit d'amour, ça doit être aussi soudain qu'une fleur. Par exemple, un parfum, vous voyez bien que l'on a tout, que l'on aspire tout d'un seul trait, que cela vous fit faire, ah, seulement. Un parfum si droit, si prompt, que cela vous fit sourire seulement, un petit peu. Ah, et voilà que l'on est parti. Ce n'est pas une fleur que l'on respire. L'amour? Alors, nous parlions d'un livre. Mais l'amour même, ça, je ne sais pas ce que c'est. Eh bien, ni moi non plus. Cependant, je peux comprendre. Comprendre, écoutez-le. Mais il ne faut pas comprendre, mon pauvre monsieur. Il faut perdre connaissance. Moi, je ne peux pas, je suis trop méchant. C'est une opération à subir, c'est le tampon des terres que l'on vous fourre sous votre nez. Le sommeil d'Adam. Vous savez, c'est écrit dans le catéchisme, c'est comme ça qu'on a fait la première femme. Une femme, oui. Songez un peu, l'un part dedans l'autre, tous les êtres qu'il y a en moi, n'en plus finir. Il faut se laisser faire. Il faut mourir entre les bras de celui qu'il aime. Est-ce qu'elle se doute, la pauvre innocente du bon Dieu? Rien du tout. Ce qu'il y a en elle, ce qu'il en va sortir, elle ne sait rien. Une mère de femme et d'homme. Qu'est-ce qu'il y a à demander à une femme? Beaucoup de choses, il me semble. Entre autres, cet enfant qu'on n'a pas demandé, qui se met à naître. Sans qu'on sache comment ni pourquoi. Il s'agit bien d'enfants. Vous avez mal compris ce que je voulais dire l'autre soir. Je suppose que c'est une telle atteinte, une telle commotion de sa substance que... Vous parlez, professeur, je vous écoute. Il ne faut pas vous mettre en colère. C'est tout en lui qui demande tout en une autre. Voilà ce que je voulais dire. Il ne s'agit pas de rire bêtement. Il ne s'agit pas d'un enfant. C'est lui pour naître, on ne sait comment, qui profite de ce moment que nous trouvons de l'éternité. Mais tout amour n'est qu'une espèce de comédie mal jouée entre l'homme et la femme. Les questions ne sont pas posées. La comédie est amusante parfois. Si on veut, mais je n'ai point d'esprit. Cependant, vous parlez mieux que mon livre quand vous l'oulez. Comme vos yeux brillent, professeur, lorsque l'on vous fait parler philosophie. Vous avez de beaux yeux chauds. J'aime vous regarder entendre, tout bouillonnant. J'aime vous entendre parler, même ne comprenant pas. Soyez mon professeur. Ne vous effarouchez point, je suis sans instruction, je suis sotte. Ne me jugez point mal, je ne suis point si mauvaise que vous croyez. Je ne réfléchis pas, personne ne m'a appris. Personne ne m'a parlé comme vous l'autre soir. Je le sais, vous avez raison, je suis mauvaise. Je n'ai pas à vous juger. Restez. Ne vous en allez pas. Je ne veux pas m'en aller. Avec ça que l'on ne sait point ce que vous pensez. Nous voici donc tous les deux, vous et moi. Comme cela est triste. Il y a entre nous un tel suspens, un état d'exclusion, si fin que la plus mauvaise petite pensée le dérange. Pauvre Mésa, je vous vois si malheureux. Mésa, ne me croyez point joyeuse. Je ne suis pas malheureux. Il faut prendre soin de vous, on m'a dit que vous ne mangez plus. Oh, pourquoi ce terre farouche? Qui vous a dit que je ne suis pas malheureux? Je n'ai rien à vous dire. Quelle idée! Allez causer avec Amalric. Vous ne ferez point la maman, vous ne ferez point la coquette avec moi. Si j'ai quelques peines, j'en ai le droit peut-être. Elle est à moi. Cela du moins est à moi. Cela du moins est à moi. Mais ne soyez pas brutal. Vous voudriez me faire parler. Hein? Dites. Cela vous amuserait de me voir faire le veau. Vous le savez très bien que ces pauvres diables d'hommes, ces gros garçons, cela n'aime rien tant que parler, mentir, montrer son noble cœur. Oh, combien j'ai souffert, oh mon Dieu, combien je suis beau. Je n'ai rien à vous dire. Vous, vous êtes heureuse, cela suffit. Croyez-vous que je sois heureuse? Vous devez l'être. Enfin, vous devriez l'être. Ah, eh bien, si je tiens à ce bonheur, quoi que ce soit que vous appuyez ainsi, que je sois une autre. Un blâme sur moi si je ne suis prête à le secouer de ma tête, comme un arrangement de ses cheveux que l'on défait. Gardez bien serré ce fourrage horrible. Et que le sage enfant, tenant dans son bras la sage maman, relisse avec affection près de la petite oreille la mèche folle qui veut s'échapper. Vous riez? Vous rougissez? Niez que vous soyez heureuse. Ne me faites pas de reproches. J'aime à vous regarder. Vous êtes belle. Vous le trouvez, vraiment? Je suis contente que vous me trouviez belle. Comme cela me fait peur de vous voir si belle, si jeune, si fraîche, si folle. Avec cet homme qui est votre mari, connaissant le pays où vous allez. Amalric m'a dit la même chose. Ne nous abandonnez pas. Vous savez que nous allons rester quelque temps à Hong Kong, où vous vivez, je crois, pour le moment. Eh bien, ça ne vous plaît pas? Je ne suis pas pour longtemps à la Chine, le temps que j'y règle de mes intérêts. Un an peut-être, deux ans? Oui, enfin, peut-être. Plus ou moins. Et puis? Et puis? Rien. Un an, deux ans peut-être, plus ou moins. Et puis rien? Et puis rien? Mais qu'est-ce que ça peut vous faire? Votre vie est arrangée. Moi, je suis un chien jaune. Vous savez, un de ces jolis chiens pargas. Que vous importe la mienne, chacun vous aime. En êtes-vous fâché? Mais vivez votre vie. Mais pour moi, je n'ai rien voulu avoir. J'ai quitté les hommes. Écoutez-le, il a quitté les hommes. Mais vous emportez toute la collection avec vous. Ah, riez, allez. Vous êtes belle et joyeuse, et moi je suis sinistre et seul. Et je ne veux rien de vous. Qu'auriez-vous à faire de moi? Qu'y a-t-il entre vous et moi? Mésa, je suis Isée. C'est moi. Il est trop tard, tout est fini. Pourquoi venez-vous me rechercher? Ne vous ai-je pas trouvé? Tout est fini, je ne vous attendais pas. J'avais si bien arrangé de me retirer, de me sortir d'entre les hommes, c'était fait. Pourquoi venez-vous me rechercher? Pourquoi venez-vous me déranger? C'est pour cela que les femmes sont faites. Ah. Là, j'ai eu tort. J'ai eu tort de causer, de m'apprivoiser avec vous, sans méfiance, comme avec un aimable enfant dont on aime avoir le beau visage. Et cet enfant est une femme. Et voilà que l'on rit quand elle rit. Mais qu'ai-je à faire avec vous? Qu'avez-vous à faire de moi? Je vous dis que tout est fini. C'est vous, mais pas plus vous qu'une autre. Qu'est-ce qu'il y a à attendre? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre chez une femme? Qu'est-ce qu'elle a à vous donner, après tout? Et ce qu'elle vous demande, il faudrait se donner à elle tout entier. Et il n'y a absolument pas moyen. Et à quoi est-ce que cela servirait? Il n'y a pas moyen de vous donner mon âme, Isée. C'est pourquoi je me suis tourné d'un autre côté. Et maintenant, pourquoi venez-vous me déranger? Pourquoi venez-vous me rechercher? Parce que cela est cruel. Pourquoi est-ce que je vous ai rencontré? Et voilà que, faisant attention à moi, vous tournez vers moi votre aimable visage. Mais vous savez bien que tout est fini. Vous savez que c'est impossible. Et moi, je sais que vous ne m'aimez pas. D'une part, vous êtes mariée. D'autre part, je sais que vous avez du goût pour cet autre homme, Amalric. Mais pourquoi est-ce que je dis cela? Qu'est-ce que ça peut me faire? Faites ce qu'il vous plaira. Bientôt, nous serons séparés. Ce que j'ai du moins est à moi. Ce que j'ai du moins est à moi. Que craignez-vous de moi, puisque je suis l'impossible? Avez-vous peur de moi? Je suis l'impossible. Alors, levez les yeux et regardez-moi qui vous regarde avec mon visage pour que vous me regardiez. Je sais que je ne vous plais point. C'est point cela, mais je ne vous comprends pas. Qui vous êtes, qui, ce que vous voulez, comment il faut être, comment il faut que je me fasse avec vous. Vous êtes singulier. Non, ne faites point de grimaces. Oui, je crois que vous avez raison. Vous n'êtes pas un homme qui serait fait pour une femme et en qui elle se sente bien et sûre. Cela est vrai. Il me faut rester seul. Il vaut mieux que nous arrivions et que nous ne restions pas ensemble davantage. Mais pourquoi est-ce que cela arrive? Pourquoi faut-il que je vous rencontre sur ce bateau à cet instant que ma force a détruit à cause de mon sang qui a coulé? Est-ce que vous croyez en Dieu? Je ne sais, je n'y ai jamais pensé. Mais vous croyez en vous-même, et que vous êtes belle, avec foi, avec dévotion, avec une conviction profonde, oh, pour ça. Mais si je suis belle, ce n'est pas ma faute. Au moins, vous, l'on sait qui vous êtes et à qui l'on a affaire. Mais supposez quelqu'un avec vous, pour toujours, en soi-même, et qu'il faille tolérer en soi-même un autre. Il vit, je vis, il pense, et je pèse en mon cœur sa pensée. Lui qui fait mes yeux, est-ce que je ne peux pas le voir? Lui-même qui a fait mon cœur, je ne peux m'en débarrasser. Vous ne me comprenez pas, mais il ne s'agit pas de comprendre. Est-ce qu'une parole, elle peut se comprendre soi-même? Mais afin qu'elle soit, il faut un autre qui la lise. La sensation d'être pleinement aimé, substantiellement, et le désir de s'ouvrir par le milieu comme un livre, et soi-même. Et ceci seulement est quoi? Que l'on est totalement clair, lisible, mais que l'on se sente actuellement prononcé comme un mot, juste comme un mot, vous comprenez? Comme un mot juste. Le tourment de se sentir épelé comme de quelqu'un qui n'en vient pas à bout. Il ne me laisse pas de repos. J'ai fui à cette extrémité de la terre, et me voici à cette autre position, sur le diamètre, comme quelqu'un qui mesure une base pour prendre une distance astronomique. Loin de la vieille maison, dans la paille, pareil à un œuf cassé. Moi, qui aimais tant ces choses visibles, j'aurais voulu tout voir, avoir, avec appropriation, et non pas avec les yeux seulement, ou les sens seulement, mais avec l'intelligence et l'esprit et tout connaître afin d'être tout connu. Mais il ne me laisse pas attendre. Me voici au milieu de ces peuples païens et il m'y a retrouvé. Et je suis comme un débiteur que l'on presse et qui ne sait pas même ce qu'il doit. C'est alors que vous êtes entré en France. Et il a beau chercher, il ne sait pas même ce qu'il doit. Enfin, que pouvais-je faire? Où est ma faute? Je suis sommé de donner en moi-même une chose que je ne connais pas. Et bien voici le tout ensemble. Je me donne moi-même. Me voici entre vos mains. Prenez vous-même ce qu'il vous faut. Vous avez été repoussé. Non. Je n'ai pas été repoussé. Je me suis tenu devant lui. Eh bien, lui, quoi? Le patron. Comme devant un homme qui ne dit rien. Qui ne prononce pas un mot, vous comprenez? Pas un mot. Les choses ne vont pas bien à la Chine. On me renvoie ici pour un temps. Supporter le temps? Oh, je l'ai tellement supporté. J'ai vécu dans une telle solitude qu'entre les hommes, je n'ai pas trouvé mon arrangement avec eux. Je n'ai pas à leur donner, à leur recevoir la même chose. Je ne sers à rien, à personne. C'est pourquoi je voulais lui rendre ce que j'avais. Je voulais tout donner. Il me faut tout reprendre. J'étais parti, il me faut revenir à la même place. Il n'y a rien de fait, tout a été vain. Il y avait en moi la force d'un grand espoir, bien... Il n'est plus. J'ai été trouvé manquant. J'ai perdu mon sens. Me voici renvoyé tout nu avec l'ancienne vie, tout sec. Sans autre consigne que l'ancienne vie a recommencé. L'ancienne vie a recommencé. La vie, ô Dieu, séparée de la vie. Sans autre attente que vous seul, qui ne voulez pas de moi, avec un cœur atteint, avec une force faussée. Et me voilà bavardant avec vous. Qu'est-ce que vous comprenez à tout cela? Qu'est-ce que cela, la regarde, vous l'intéresse? Je vous regarde. Cela me regarde. Et je vois vos pensées confusément comme des moineaux près d'une meule lorsque l'on frappe dans ses mains montées toutes ensemble à vos lèvres et à vos yeux. Vous ne me comprenez pas. Je comprends que vous êtes malheureux. Cela, du moins, est à moi. N'est-ce pas? Il vaudrait mieux que ce fût Isée qui fût à vous. Cela est impossible. Oui, cela est impossible. Laissez-moi vous regarder, car vous êtes interdite. Et pourquoi est-ce que vous me regardez ainsi? Pauvre Mesa, c'est curieux, je ne vous avais jamais vu. J'aime chacun de vos traits. Et cependant, l'on ne vous trouvera jamais beau, peut-être parce que vous n'êtes pas assez grand. Je ne vous trouve pas beau du tout. Lisez, répondez-moi que je le sache. Bon, cela n'a pas d'importance, bientôt nous serons séparés. Mais supposez que nous soyons libres tous les deux. Est-ce que vous consentiriez à m'épouser? Non. Non, mais ça, non. Vous êtes Isée. Je sais que vous êtes Isée. Isée. Pourquoi est-ce que j'ai dit cela tout à l'heure? Je n'en sais rien, je ne sais pas ce qui m'a pris tout à coup, mais c'est quelque chose de nouveau, quelque chose de tout nouveau tout à coup qui m'a poussé. À peine dit le mot, j'en ai été choquée. Est-ce que vous savez toujours ce que vous dites? Je sais que vous ne m'aimez pas. Mais voilà, voilà ce qui m'a surpris. Voilà ce que j'ai appris tout à coup, c'est incroyable. C'est vrai. Oui, ma parole, c'est sûr que je suis celle que vous auriez aimée. Laissez-moi vous regarder. Oh, comme cela est amer de vous avoir ainsi avec moi. Si j'étends la main, je peux vous toucher. Si je parle, vous me répondez, vous entendez ce que je dis. Je ne m'y serais pas attendu, Jean. Enfin, je ne faisais pas attention à vous. Je vous respecte. Je n'ai pas été coquette avec vous. Cela ne m'est pas agréable à penser. Mais pourquoi est-ce maintenant que je vous rencontre? Oh, je suis fait pour la joie, comme l'abeille ivre, comme une balle sale dans le cornet de la fleur fécondée. Ah, il est dur de garder tout son cœur. Ah, il est dur de ne pas être aimé. Ah, il est dur d'être seul. Il est dur d'attendre et d'endurer et d'attendre toujours et encore. Et me voici à cette heure de midi où l'on voit tellement ce qui est tout près, si près que l'on ne voit plus rien d'autre. Vous voici donc. le présent semble donc prêt, et l'immédiat à notre main sur nous, comme une chose qui a force de nécessité. Oh, je n'ai plus de force, mon Dieu, je ne peux plus attendre. Oh. Ça va bien aller. Cela passera aussi. Soyez heureuse, je reste seule. Je ne connaîtrai pas une telle chose que ma douleur. Cela du moins est à moi. Non, il ne faut point m'aimer. Non, Mesa, non. Il ne faut point m'aimer. Cela ne serait point bon. Vous savez que je suis une pauvre femme. Restez, le Mesa, dont j'ai besoin. Cet homme grossier, bon, bête et bon, bête et bon, qui me parlait l'autre jour dans la nuit. Mais qui aura-t-il que je respecte et que j'aime si vous m'aimez? Non, Mesa, non. Il ne faut point m'aimer. Je voulais seulement causer. Je me croyais plus forte que vous, d'une certaine manière. Et maintenant, c'est moi, comme une sotte qui ne sait plus que dire. Comme quelqu'un qui est réduit au silence. Et qui écoute. Vous savez que je suis une pauvre femme et que si vous me parlez d'une certaine façon, il n'y a pas besoin que ce soit bien haut, mais que si vous m'appelez par mon nom, par votre nom, par un nom que vous connaissez et moi pas, entendante, il y a une femme en moi qui ne pourra pas s'empêcher de vous répondre. Et je sens que cette femme ne serait point bonne pour vous, mais funeste. Et pour moi, il s'agit de choses affreuses. Il ne s'agit point d'un jeu avec vous. Je ne veux point me donner tout entière, je ne veux point mourir, mais... mais je suis jeune et la mort n'est pas belle. C'est la vie qui me paraît belle. Oh, oh, comme la vie m'a monté à la tête sur ce bateau. C'est pourquoi il faut que tout soit fini entre nous. Tout est dit, Mesa. Tout est fini entre nous. Convenons que nous ne nous aimerons pas. Dites que vous ne m'aimerez pas. Isée, je ne vous aimerai pas. Isée, je ne vous aimerai pas. Isée, je ne vous aimerai pas. Je ne vous aimerai pas. Répétez-le encore. Que j'entende. Je ne vous aimerai pas. Pardon, excuse, monsieur, madame, de vous déranger. C'est Mesa qu'on a besoin pour le bal costumé de ce soir. La chanteuse de Ségon a dit qu'on ne peut pas se passer de lui. Elle veut lui demander un conseil. Elle est encore saine, elle fait des effets d'eau. C'est pas plus désagréable qu'autre chose à regarder un autre femme. Un épais velours blanc. Il n'y a que le bœuf qu'on était en train d'écorcher hier qui était encore plus joli. Si vous aviez vu, quelque chose d'iridescent et de nacré. Ce qu'on peut avoir sous la peau sans le savoir. Eh bien, Mesa, mon petit curé. Voilà que l'on confesse les jolies femmes à présent. Bon, c'est fort plus désagréable qu'autre chose de confesser les jolies femmes. Il me fait la morale. Hein? Ça rafraîchit de temps en temps qu'on fasse la morale. Il est mon professeur, vous savez. Vous êtes le sien aussi. Oh, il y a à apprendre et puis il connaît les femmes. Il est un peu là pour vous donner conseil. Un de ces hommes toujours prêts à offrir leur vie qui vous la donnerait. À condition d'être débarrassé de vous. Extrême, extrême, quatre points de mesure. Toujours plus qu'il ne faut. Est-ce vrai que c'est vrai? C'est pour ça que j'aime mon petit Mesa. Mesa. C'est comme ça que je suis aussi. Non, mais vous savez, chère madame, ne vous excitez pas trop sur votre petit Mesa. Soyez pas si sûr de lui. Je le connais bien. Je joue à l'écarté avec lui tous les jours. C'est un homme qui a commis trop peu de malhonnêteté dans sa vie. C'est pas clair. Qu'en dites-vous, mon petit Mesa? Qu'est-ce que vous me croyez, espèce de carthaginois? C'est vrai, il fait bon près d'une femme. J'aime l'entendre parler avec une grande sagesse et me dire des choses dures, pratiques, malignes, bassement vraies, comme les femmes savent en trouver. Ça me fait du bien. Des choses comme votre mari en entend. Il sourit, le cher homme. On voit bien qu'il est toujours prêt à dire quelque chose, mais il ne dit rien. Il est tranquille et content. Mon garçon! Ce serait-il par hasard que vous l'aimiez? Ben, je suis un homme, je l'aime, comme on aime une femme. On rit pas aux éclats. Mais cela me va bien, professeur, je ne suis pas française. Non, regardez-le comme vous voyez, ça lui tape sur les nerfs. Ça l'agace et le ravit. J'aime un homme qui est un seul homme, et qui a dans le dos un gros os dur, nom de Dieu. L'ordinaire admiration des femmes, le nègre et le pompier. J'aime les nôtres, les tueurs de feu, quand ils reviennent de dessous nous au soir, avec rien que les dents de blanc pour prier dans cette Arabie de la mer. Quand on a pêché tout le jour dans le poussier, nourrissant le sultan jaune, avec quelle dignité on peut attraper sobrement son quart d'eau. Mais nous autres, les blancs bavards, cyniques, juponnés, enculottés, les bois sans soif, les mangeurs de cochons. Et le fait est que nous ne gagnons pas à cet embarquement. Ah, quel dégoût de s'asseoir à table avec tout le reste de ce troupeau de bêtes sans poil. Quel caractère! Moi, ça m'amuse. C'est si drôle, c'est si net de voir tout cela parler, marcher, s'asseoir, se retourner, enfoncer une main dans la poche de son pantalon. Il y a de quoi rire. Et un bateau avec tous ses compartiments, avec toutes ses portes que l'on peut ouvrir et fermer. Quel beau joujou! C'est comme une boîte de naturalistes. Toutes les espèces ensemble. Vite! C'est drôle de voir comment ils s'approchent et se reconnaissent, de voir ces espèces d'antennes qui se promènent sur la figure, de voir comment ils sont costumés, chaussés, peignés, cravatés, le livre qu'ils tiennent à la main, leurs ongles, le bout de la langue qui paraît entre les lèvres, comme une grosse langue. Mais rien qu'une main qui s'ouvre et s'agite, comme c'est affairé avec ses petits doigts, comme je comprends ce qu'elle dit. Il m'ennuie. Et eux, que pensent-ils de vous? Oh, j'en sais rien, je ne m'en occupe pas, je ne pense pas à eux. Misa, Misa! Ah, tiens, c'est vrai. Alors, ce sera donc vrai, comme on me l'a dit, que je pense qu'à moi-même. Bon. Voilà que vous le découvrez. Apprenez une chose des femmes, professeur. On est si bien tout seul à s'occuper de ce salon, on n'a jamais fini de se regarder. Je connais des gens toujours prêts à s'offrir et se donner pour de bon. Ça, c'est une autre affaire. Qu'en dites-vous? Cela est vrai. Qui se donne comme il faut, il forcera bien qu'on l'accepte, lui. Heureuse, la femme qui trouve qu'il se donne, celle-là ne demande point à se reprendre. C'est rare, l'amateur sérieux. Qu'on me le montre, celui qui a besoin d'elle tout le temps, et toute seule, et non pas d'une autre, aussi bien elle se donne à vous. Mais qu'est-ce qu'elle reçoit en échange? Tout ça est trop fin pour moi. Diable, s'il fallait qu'un homme, tout le temps, se tracassa précieusement de sa femme pour savoir s'il a bien mesuré l'affection que mérite Germaine ou Pétronille, vérifiant l'état de son cœur. Quel coton! Donc, tout le sentiment, c'est le petit ménage des femmes. Comme si elles boitent où elles mettent un tas de fils et de rubans et toute espèce de boutons et des baleines de corset, voilà. Non, puis ce qui est dégoûtant, c'est qu'elles sont tout le temps malades. Enfin, elle est là, mais alors faut s'en arranger comme on peut. Elle manquerait, ça n'y était pas. Mais c'est gentil à avoir de temps en temps. Alors, Misa, hein? Allez, soyez francs, mon garçon. Ai-je raison ou pas? Amalric, comment disait-il donc notre ami Arthur, le voyageur en cuir? Vous êtes un lapin. Amalric, vous êtes un lapin. Si votre mari vient se joindre à nous. Toujours silencieux et distingué, gentilhomme. Decis, savez-vous quoi? Nous deviendrons tous riches. Ainsi soit-il. Ouais, ça, c'est une inspiration. Voilà, aucun doute à ce sujet. D'abord, est-ce qu'il ne nous faut pas de l'argent à tous? Demandez à cette dame que voilà. Et ce Méza qui est comme un homme sans poche. Sans parler ni de vous ni de moi. Je vous dis que je sens la fortune dans l'air. Ah, puis je m'y connais. Je reconnais cette odeur. Est-ce que vous ne sentez pas? Comme une haleine. Je sais. Mon cœur s'élargit. Nous avons passé une certaine ligne. Je reconnais mon vieil Est. Il est pour moi ce qui est pour la dame d'Épinal ou de Vassy-sur-Blaise. Tout à coup, les grands magasins du Louvre bondés d'étoffes et de savon. C'est l'Inde qui est devant nous. Ne l'entendez-vous pas? Si pleine qu'on entend le bruissement de ce milliard d'yeux qui plie. Ah, quelle chance de ne plus être en France! Comme ce fourrage me paraissait fade et aqueux! Quel dégoût de cette verbouillade! Puis pas de soleil! Que ce pâle fourneau de chauve, espèce de pierrot malade qui tire la langue à travers un œil de bœuf! Encore une fois, nous avons passé Suez. On ne passe qu'une fois pour de bon, je pense que nous l'avons tous passé cette fois. Nous ne l'en passerons plus jamais, hurrah! Nous ne reviendrons plus en arrière, hurrah! Mais nous serons tous morts l'année prochaine, hurrah! Tous crevés l'année prochaine, mon petit curé, hurrah! Ah, voilà une belle prière! En tout cas, faut devenir riche. Bon, ben, sans ça, c'est bien de notre faute. Nous voilà à même. Moi, je veux faire un temps énorme! Oh, mon brave Levant! Là, le soleil du soleil, à la bonne heure! Et le vert du vert! Et de la chaleur à en crever. Et foutre quand c'est rouge et féroce. Un tigre. Vous avez vu ça dans les ménageries. On est comme un tigre au milieu des bêtes plus faibles. Oui, évidemment. Au lieu de ce commerce ignoble, il vaudrait mieux entrer le sabre au poing, épouvantablement, dans ces vieilles villes toutes fondantes de chair humaine, résolu de revenir avec 4 tonneaux pour sa part, tout rempli de bijoux, avec par-ci par-là quelques oreilles d'infidèles et doigts coupés de dames et demoiselles, ou de périr avec honneur, au milieu de ses compagnons. Alors ça vaudrait mieux que de transpirer en pyjama devant son ledger. Et vous me garderiez les pères. Oui, mais ça ne fait rien. Espérez seulement que je trouve de la main-d'œuvre pour ma plantation de caoutchouc. Et alors, ce que je la revendrai. Mais le temps n'y change rien. C'est toujours le même soleil. C'est toujours mon Indien, cultivé par les deux moussons. C'est un vieux païen cuisant. Bon, enfin, c'est la même chose toujours. Est-ce que vous savez où nous sommes? Est-ce que vous comprenez les conditions du commerce? Écoutez. Je vais vous faire de l'économie politique. Vous êtes libre, Amalric. Où ça mais autant qu'il en a l'air, c'est un vrai voyageur. Regardez son petit cling. À gauche, Babylone et tout le bazar. Et les fleuves qui descendent de l'Arménie. À droite, l'équateur, l'Afrique. Là, vous voyez d'ici le commerce. Les gros boutres à la mousson du Nord, cinglant de Saba, cinglant des ports de Salomon, cinglant de Mascate et d'Inde, cinglant de la bouffe des deux fleuves, plein de fer, plein de tissus. Est-ce qu'il faut de chaînes et de menottes pour en avoir assez? Vers la fin des vasies et les villes ovales. Et revenant à la mousson du Nord, avec une pleine pochée de la chair de cam, nègres, négresses, négrillons, mangeant, dansant, chantant, pleurant, chiant, pissant, et parfois au matin, les grosses fesses noires de la barque immobile, au milieu des plumes de poulet, des peaux de bananes sur la mer, qui crachent des poissons volants. Voilà, qui serait commode pour le caoutchouc. Ah, cette fois, nous avons passé Suez pour le bon. Nous ne le repasserons plus jamais. Bientôt midi. Nous allons entendre la sirène. La sirène, quel drôle de nom. Il n'y a plus de ciel, il n'y a plus de mer, il n'y a plus que le néant. Et au milieu, épouvantablement, cette espèce d'animal fossile qui va se mettre à braire. Quel cri dans ce désert de feu! Regardez! Oh, n'ouvrez pas la toile, bon Dieu de bois! On est aveuglé comme par un coup de fusil, c'est plus du soleil, ça. C'est la foudre! Comme on se sent réduit et consumé dans ce four à réverbère. Tout est horriblement pur. Entre la lumière et le miroir, on se sent horriblement visible. Comme un pouls entre deux lames de verre. Que c'est beau! Que c'est dur! La mer à l'échine resplendissante est comme une vache terrassée que l'on marque au fer rouge. Et lui, vous savez, son amant, comme on dit, eh bien la sculpture que l'on voit dans les musées, bah, cette fois-ci, ce n'est plus son amant. C'est le bourreau qui la sacrifie. Ce ne sont plus des baisers. C'est le couteau dans les entrailles. Et face à face, elle lui rentre coup pour coup, sans forme, sans couleur, pure, absolue, énorme, fulminant. Frappée par la lumière, elle ne renvoie rien d'autre. Oh, qu'il fait chaud. Combien de jours encore jusqu'au feu de Ménikoï? Je me rappelle cette petite veilleuse sur les eaux. Vous savez combien de jours encore, Amalric? Bon, ma foi, non. Et combien de jours au juste depuis que nous sommes partis? Je n'en sais rien. Les jours sont si pareils qu'on dirait qu'ils ne font qu'un seul grand jour, blanc et noir. J'adore ce grand jour immobile. Ah, je suis bien à mon aise. J'adore cette grandeur sans ombre. J'existe. Je vois. Je ne suis pas. Je bois. Je suis satisfait. Il est satisfait. Et vous aussi, Mesa? Est-ce que vous êtes satisfait? Moi, je ne suis pas satisfaite. Impossibilité de l'arrêt en aucun lieu. Attention, on va afficher le point. Huit coups. Midi. Thank you. Gardes, le premier acte de Passage de midi, pièce en trois actes de Paul Claudel. Voici maintenant le second acte. Et voici le deuxième acte. Je ne vous en parlerai pas, si ce n'est du décor. Nous sommes à Hong Kong, dans le cimetière, dont les sépultures se dressent verticales, encerclant la minuscule nécropole, une haie de bambou. C'est là que Meza doit rencontrer Isée. C'est bien ici. Il n'y a pas moyen de s'y tromper, c'est ici. La seule tombe chinoise désaffectée qui reste de ce cimetière jaune, à quoi l'autre, le blanc, est venu se superposer. Et tant pis pour les premiers occupants, pas vrai? Je me demande, ces petites lumières allumées, ce que ça signifie. Bon, ça m'est égal. J'aime assez ça, l'idée de ces petites lumières allumées qui brûlent. Des Parsis, je suppose. Il n'y a pas à dire, cette tombe chinoise, ça avait plus de dignité. Cette espèce d'oméga, c'est comme des bras qui viennent vous chercher et qui vous gardent bien au chaud. C'est pas moyen de s'en aller quand on le voudrait. Smith, voilà. On s'en va faire chin-chin à M. Chang Laoyé et tout ce qu'il trouve à vous répondre, c'est cela. Smith. Quelqu'un qui n'a pas trouvé d'autre prétexte à l'existence que ces cinq lettres. Smith. Comme c'est original. Comme cela valait la peine de quitter Leeds ou Birmingham pour mêler Smith à toutes les autres épluchures de personnalité que le gardien du cimetière a trouvé commode d'empiler dans ce petit coin, en attendant le balai et la brouette. Ben c'est ça qui vous fait resuer votre whisky, alors. Et qu'est-ce qui m'arrive? Voilà que je me mets à parler tout seul à présent. Planquette. Eh bien oui, quoi, parfaitement, Planquette. Mary Ben Susan, décédée à l'âge de 6 mois. Mon pas crie. J'ai dans la bouche le goût de mon estomac. Woods. Il me semble que je parle dans une caverne. Tiens, ce vieux coquet. Jones, QC. Baxter, agent d'assurance. Le potin de Josaphat. Cohen, courtier de change. Donec immutatio mea veniat. Comme je vois bien tout cela, le marin de 59, tué d'une balle de jungle ou crevé de la vérole cantonaise. Le vieux célibataire qui s'en va du délirium tremens ou du spro, regretté de tous ses amis. Et les pauvres petits-enfants qui crèvent dans la touffeur de juillet, comme un poisson asphyxié dans un vase dont on a oublié de changer l'eau. Point de bénédiction sur tout cela. Elle a dit qu'elle viendrait me retrouver ici. Il n'y a pas à dire, je suis atteint. Cette espèce de cœur qu'on se met à avoir et qu'on se sent qui tape à la place de l'âme. À la place de l'âme. L'âme. Qui fait défaut tout à coup. Une douceur désastreuse, empoisonnante. Dehors, ce ciel obstrué, éclairé à l'envers d'un jour blafard, cette espèce de temps de la mousson, comme une marmite autoclave. Et dedans, le poison. Le poison qui vous frappe d'insensibilité, cette espèce de paralysie qui gâte. Mon âme en moi. Comme une pièce d'or entre les mains d'un joueur. Pile ou face. Je m'en vais. Il sera joliment attrapé, la personne, de ne trouver personne ici. Oui, j'ai idée qu'elle sera joliment attrapée, la personne. Ma chère, je vous demande pardon, je suis désolé. Il faut que je vous quitte ici. Dites un peu que je ne sais pas me débrouiller. Voilà combien de jours que nous sommes ici. Et il me semble que voici une affaire qui marche proprement. Laissez-moi faire seulement. Mais vous êtes toujours à douter de moi. J'ai à voir mon ami Apat, là-bas, au port des gens. Je dîne avec lui ce soir. Les derniers arrangements à prendre, je pars pour ce bateau. Ce n'est pas dangereux? Je ne pense pas, je n'en sais rien. Pourquoi me demandes-tu cela? Penses-tu donc que j'ai peur? Une honnête petite affaire de bonté, sincérité. Comme tu apprends vite les langues. Je sais déjà bien les caractères. J'ai collectionné les cachets dans le temps. Je sais que tu es très intelligent, Cyr. Tu pourrais faire comme un autre si tu voulais. Pourquoi est-ce que tu deviens tout d'un coup comme un enfant malhonnête? Malhonnête. Malhonnête tant que tu voudras, tu verras si je suis un enfant. Vous savez, il n'y a personne comme moi pour décourager les gens de l'envie qu'ils ont de me rendre service sans le savoir. De braves coulis de Pinang ou de Singapour, dont on rapatrie les cercueils. S'il y avait dedans de l'opium ou des fusils, ce serait un choc pour moi que de l'apprendre. vous savez qu'ils sont en train de mettre une gentille petite république sur pied là-bas. C'est amusant. La constitution des États-Unis sanctionnée par les trois génies de la bannière céleste avec levée de quelques contributions indirectes. Que dirait notre oncle le marquis s'il savait que j'aide à fonder une république? Bah, que veux-tu, ma chère? Il faut vivre. Quel métier pour un homme bien élevé. Que penses-tu de l'affaire? Pourquoi me parles-tu de cela? Que veux-tu que je sache? Et tous ces gens me dégoûtent. Pourquoi ne pas garder une telle affaire pour toi tout seul? C'est une souffrance pour toi qu'il y ait des gens à ne pas être de ton avis. C'est parce que j'ai dit à Méja l'autre soir qu'il ait pu lui donner l'éveil. Crois-le. Ça ne fait rien, c'est notre ami, un ami sûr. Il est plein de sympathie pour toi. Usons-en donc, tant que nous pourrons, et allez donc jusqu'à la gauche. Que tu es brutal. Je n'ai pu m'habituer à toi encore. Cette manie d'insister, d'exagérer. Il faut être léger dans la vie. Tu sais ce que disent les enfants? Fais-toi léger, heureux de tout, mon cœur. J'aime ce garçon, oui. Je suis vraiment heureux qu'il puisse me rendre service. Et d'ailleurs, il n'a rien à voir dans tout ça. Et quand dites-vous que vous revenez? Dans un mois, 6 semaines, je pense. Je ne sais pas au juste. Vous ne savez rien au juste. On est très bien à cet hôtel. Vous êtes habitué aux hôtels. Mais ça vous tiendra compagnie. Ne partez pas! Mais quand je vous dis qu'il le faut, il le faut absolument. Ami, ne partez pas. Il le faut, oui. Il le faut, Isée. Ne me laissez pas seule. Il n'y a aucun danger. Je dis qu'il ne faut pas me laisser seule ici. Il faut être raisonnable. Je ne suis qu'une femme, j'ai peur. Quel que vous soyez, après tout, c'est vous qui avez garde de moi. J'ai peur. Je le sais, sûr. Sûr, il y a des choses terribles qui m'attendent. J'ai peur de ce pays étouffant que je ne connais pas. Où vous me laissez seule, à peine arrivée, tout étourdi encore et flottant du bateau à peine quitté. Quoi? Et quoi? C'est Isée qui dit qu'elle a peur? Emmenez-moi avec vous. Vous ne pouvez pas laisser vos enfants? Vous avez bien souci de vos enfants, mais non pas de moi, pas du tout, aucunement. Mais, Isée. Je vous prie de ne point partir, de ne point me laisser seule. Vous me reprochiez d'être fière, de ne jamais vouloir rien dire et demander. Eh bien, ça va. Vous me voyez humiliée. Ne partez pas. Ne la laissez pas seule. Ainsi, il nous faut bien avouer à la fin que l'on a besoin tout de même un petit peu de son petit bonhomme de mari. C'est notre fière Isée qui demande comme un petit enfant qu'on la laisse point toute seule. Ne soyez pas trop sûre de moi. Tu es à moi, que tu le veuilles ou non. Est-ce que tu voulais m'épouser? Et cependant, bon gré, mal gré, c'est moi qui t'ai prise et gagnée, quand d'autres ne l'avaient pas pu. Ne me méprisez pas trop. Ne soyez pas trop sûr de moi, comme d'une femme que l'on gagne avec des caresses. Ne puis-je pas rester 10 ans avec vous? 10 ans, je vous ai considéré de face et de dos et de profil et de dessous et de dessus. Et voici que je me suis fait un jugement, une espèce de jugement, ma manière. N'avez-vous pas eu de moi votre compte et votre content? N'avez-vous pas eu tous vos enfants avec moi? Et vous? Est-ce que vous me connaissez? Est-ce que vous savez qui je suis? Un homme, ça ne connaît pas plus sa femme que sa maman. 10 ans. Bon Dieu, maintenant j'ai 30 ans et ma jeunesse est passée. Ce que je pouvais vous donner, je l'ai tout donné. Ne me laissez donc point seule, toute seule, alors qu'il y a quelque chose qui vient de finir. Ne sois pas absent. Je vous connais mieux que vous-même. Cette fière Isée avec moi. Je vous connais trop pour penser que vous vouliez jamais vous donner aucun tort avec moi. Je ne sais. Je sens en moi une tentation. Je ne suis plus cette jeune fille que vous avez prise. Vous ne m'avez pas ménagée. Je ne suis pas intacte. Croyez-vous que je ne serve qu'à faire des enfants? Est-ce que c'est pour rien que je suis belle? Qui m'aura? J'aurais voulu empêcher qu'il y eût rien autre. Moi, je suis bien à lui. Est-ce que ce n'est pas assez? Il y a une certaine totalité de moi-même que je n'ai pas fournie. Il y a une certaine mort que je saurais lui donner. Ça vaut la peine, peut-être, quelqu'un... On m'a dit que ça valait la peine, mais vous n'êtes pas sérieux. Vous comprenez de quelle race je suis. Parce qu'une chose est mauvaise, parce qu'elle est folle, parce qu'elle est la ruine et la mort et la perdition de moi et tous. Est-ce que ce n'est pas une tentation à quoi je puis à peine tenir? Bientôt je ne serai plus belle. Au lieu de vieillir ennuyeusement jour à jour, ne pas vieillir, est-ce pas mieux? Tout d'un seul coup le donner, le lui donner, le lui planter entre les mains dans un éclat de rire, dans une générosité triomphale, pendant que je suis jeune et splendide, et périr avec celui que je fais périr comme ont péri mes aïeux, dans le temps d'un coup de trompette, dans l'éclair de l'épée qui tue. Et je prie que cette tentation ne me vienne point. Et vous pouvez faire votre prière aussi, monsieur de Cise. Est-ce que j'ai été méchant? Est-ce que je t'ai jamais défendu quoi que ce soit? Plutôt ciel, et que tu me défendisses moi-même. Après tout, je suis une femme, ce n'est pas si compliqué. Mais que lui faut-il à une femme? Autre chose que sécurité, et non pas cette liberté épouvantable. Mais toi, qui te connais? Qui aura quoi? Qui trouvera en toi de quoi comprendre? Je dévoue et tu fuis, tu n'es pas là. Tu es comme un enfant faible et tendre, capricieux, caché, plein de mensonges, mal à l'aise. Et on ne peut rien voir dans tes yeux. N'achève pas de partir. Ne sois pas absent dans le milieu de ma vie. Et tout ça pour une absence de quelques jours. Si. Oui, si. Si c'était l'heure, pourtant, où toute séparation suffit. Ces choses étroites qu'un couteau et le fruit qu'il tranche, on n'en rejoindra pas les parts. Qui sait si je ne vais pas mourir, par exemple, dès que tu seras parti? J'ai peur de mourir. C'est pourquoi m'as-tu amené ici? Regarde ce triste lieu où nous sommes. Mais c'est vous qui aviez trouvé cet endroit joli et qui vouliez me le montrer. Il est affreux de mourir et d'être mort. Mais il ne s'agit pas de mourir et d'être mort. Tu ne parles que de ça. Il n'y a aucun danger. Bientôt je suis de retour. Bientôt nous avons de l'argent. Beaucoup d'argent. Et nous retournons en France ou ailleurs. Je sais que vous m'aimez. Je le sais, mon cœur. Je le sais, Bonita. Et vous tenez à partir? Il le faut. Afat m'a prêté de l'argent. Partez, mon cas, il n'y a rien à dire, c'est bien. Vous ne m'en voulez aucunement. Pas du tout. Je ne vous en veux pas. Isée, j'ai réfléchi à ce que vous me conseillez. Il y a du vrai. C'est deux choses que nous offre notre ami Mesa. Eh bien. Restez ici, la position n'est pas brillante. Mais elle est sûre. Sûre. Vous n'avez que ce mot à la bouche. Moi, il me faut de l'initiative, de l'argent à gagner. Penses-tu donc que les risques me font peur? Évidemment, vous ne pourrez pas t'emmener tout de suite avec moi dans le pays chat. C'est pourquoi il ne faut pas y aller. C'est dommage, ces quelques années à passer. Ma position était faite et moi, j'étais fait pour. Comment être de ton avis? Tu ne cesses d'en changer. Il ne faut pas être dur. Bientôt, je ne serai plus avec toi. Adieu, mon cœur. Adieu, Sire. Tu n'étais pas un méchant homme. Point de larmes, mon cœur. Adieu, Bonita. Je ne vous laisse point seul. Je ne le vois point. Je ne vais point l'attendre. Je pense qu'il ne sera point venu. Isée quitte la scène, mais Mesa entre par la droite, derrière les bambous. Mon mari vient de me quitter. Je n'ai pas pu le retenir. Comment allez-vous? Oh, moi, cela va toujours. Rien ne m'empêche de manger. C'est comme un bon soldat qui va se battre. Je suis curieux, je n'ai pas encore fait pied à la terre. On s'en va de côté, je penche, et puis l'on donne un coup, comme quand on ne veut pas dormir. Vous ne trouvez pas? On ne se sent jamais bien debout à la mer. D'abord, rien n'est droit, on ne se tient pas, on se retient comme sur un plancher qui restait. Vous lui avez parlé? Je lui ai demandé de ne point me quitter, de ne point me laisser seule ici. Il ne veut pas m'écouter, il dit non. Moi aussi, j'ai fait ce que j'ai pu. Comment vous laisse-t-il ainsi? Je lui ai fait des propositions, mais il aime mieux ses manigances, il joue, il se figure qu'il me trompe. Et vous entendez ses rumeurs de tous côtés. Est-ce qu'il y a quelque chose pour de vous? Oh, non, enfin, qui connaît la Chine? Qu'est-ce que c'était que ces rumeurs qu'on entendait tout à l'heure? Mais vous n'avez pas lu aujourd'hui dans le journal, il y a éclipse totale de soleil. All complete, tout exprès pour nous, alors. Ces braves gens sur la Terre, il faut bien qu'ils fassent quelque chose. On peut tout de même pas se laisser manger le soleil comme ça par un dragon mal intentionné. En avant, les gonds et les pétards. Mais enfin, ils ne croient pas à tout ça, ces gens, bien sûr. Bon, bien sûr qu'ils n'y croient pas. Ils font semblant. Moi aussi, je fais semblant. Ça m'arrive. Voilà, qu'est-ce que je disais donc? Ah oui. Oui, la Chine, oui. Oh. C'est 2 ans peut-être encore. Ça peut durer. La Chine. 3 ans. Quand dites-vous qu'il part? Demain. Combien de temps reste-t-il absent? 1 mois. Et vous savez, il faut me laisser seule. Bien sûr. Il ne faut pas venir me voir. Bien sûr, bien sûr. C'est fini. Tout est fini. Il y a quelqu'un derrière moi, sans que je le voie, qui m'est arrivé de je ne sais où. Ma damnation entre mes bras. Dieu t'a repoussé, et moi je ne te repousse pas. Oh, Isée, c'est une chose défendue. Oh, Isée, je ne la croyais pas si défendue. Oh, Isée, ce bateau qui nous a amenés quand nous l'avons vu partir, disparu dans sa propre fumée. Ce n'est pas un bateau que tu tiens, c'est une femme vivante entre tes bras. Isée, ne me laisse pas revenir. Je sais, je suis à vous. Je cède, je suis à vous. Et à moi, il faut me céder aussi. Je le tiens. Je le tiens pour partir dessus. Je le tiens, mon énorme bâton. Pauvre Mesa que j'ai capturé. Ainsi donc, je l'ai saisi. Et je tiens son corps même entre mes bras. Il ne me fait pas de résistance. Et j'entends dans mes entrailles ce cœur qui bat. Il est vrai qu'elle n'est qu'une femme. Et moi, je ne suis qu'un homme. Et voici que je n'en peux plus. Et que je suis comme un affamé qui ne peut retenir ses larmes à la vue de la nourriture à manger. Oh, colonne, oh, puissance de ma bien-aimée, oh, il est sacré, oh, il est amer, oh, il est injuste, oh, il est détestable que je l'ai rencontré. Et comment est-ce qu'il faut l'appeler? Une mère, parce qu'elle est bonne à avoir, et une sœur, et je la tiens, cette colonne ronde et féminine entre mes mains, et une proie, et la fumée de sa vie me monte à la tête par le nez, et je frémis de la sentir la plus faible, comme un gibier qui plie et que l'on tient par la nuque. Oh, c'est si drôle ce qu'on a fait de moi. Et qu'est-ce que c'est que ça entre mes bras comme quelqu'un de replié, et dans la pression de mes bras comme quelqu'un qui dort, mais qui sait tout, vie présente, vie puissante, comme de quelqu'un qui dort et qui sait tout, si tu es celle que j'aime. Ah, oh, c'en était trop, à la fin il ne fallait pas que je te rencontre, et tu m'aimes, et tu es à moi. Il me pousse un cœur à grands coups désespérés, qui cède et crève. Tu me tiens donc. Eh bien, que ma chair tressaille, je ne me retire point, et je reste comme assourdi. Voilà donc celle que tu trouvais si fière et si méchante. Tu ne sais pas ce que c'est qu'une femme, et combien merveilleusement, avec toutes ses manières, qu'elle a, le lieu facile de céder, et tout à coup de se trouver abjecte, et soumise, et attendante, et pesante, et gourde, et interdite entre la main de son ennemi, incapable de remuer aucun doigt. Oh, mon Mesa, tu n'es plus un homme seulement, mais tu es à moi qui suis une femme, et je suis le double de toi avec moi, et tu es le double de moi avec toi, et nous nous sentons battre dans la chair l'un de l'autre, le même cœur. Quelqu'un qui se sert d'un seul cœur pour être deux. Il n'y a plus de nom à présent, il n'y a plus de Mesa à présent, Isée, il n'y a plus de Isée. Oh, Isée! Je ne vous gronderai plus, Isée. Bien vrai. Vous êtes content de moi, professeur. Vous ne me ferez plus de réprimande. Mon pauvre docteur que j'ai été. Ai-je bien ou non profité de vos leçons, professeur? Dis, petit Mesa, est-ce qu'il n'est pas meilleur de ne plus se retrouver supérieur à personne, puisqu'il y a de plus faible, un homme entre les bras d'une femme? Je ne suis pas un homme fort. Oh, qui dit que je suis un homme fort? Mais j'étais un homme de désir, désespérément vers le bonheur, désespérément vers le bonheur, étendu et profond, et aimant, étendu et désolé. Et qui dit que tu es le bonheur? Ah non, tu n'es pas le bonheur. Tu es cela qui est à la place du bonheur. J'ai frémi en te reconnaissant, et toute mon âme a cédé, et je suis comme un homme qui s'abat sur le visage, et je t'aime, et je dis que je t'aime, et je n'en peux plus, et je t'épouse avec un amour impie, et avec une parole condamnée. Oh, chère chose, tu n'es pas le bonheur. Mais ça n'est plus qu'un homme qui aime, ou l'autre. Un homme qui est pris. Un homme qui est à moi. Toute la pièce sous la main que je tiens sur mon épaule, comme une grosse bête assommée. Et moi, est-ce que je suis un homme? C'est une femme. Ah, cependant j'ai des bras et des jambes comme un autre, et je puis répondre quand tu parles. Mais c'est bien meilleur, et plus beau, et plus gentil. Mais dis la vérité. Et s'il est vrai que tu n'as jamais connu aucune femme? Si tu veux... Cela est vrai. Cela est vrai, Mesa. Cela est vrai. Je suis contente. Contente d'être tout pour toi. Contente d'avoir tout pour moi. Me crois, montre-moi tes yeux. Ne les tiens pas ailleurs un moment. Cela me donne confusion et désir de voir tes yeux. Et moi, regarde-moi aussi. Me voici. Et regarde chaque chose, bien, comme un vase que tu viens d'acheter, que tu fais reluire au soleil. Fraîche, fraîche, fraîche, comme la rose sous la rosée. Tu es droite comme une colonne, tu es claire comme le soleil levant. Le soleil tout à coup quand il a cette idée de se lever tout nu. Certes, il convient que je sois belle pour ce présent que je t'apporte. Une chose inestimable, en effet. Une chose encombrante, Mesa. Une chose énorme et difficile à loger qu'un homme sage n'acceptera point dans sa maison. Je ne suis pas un homme sage. C'est l'amour, Mesa. Et je ne l'appellerai point une chose bonne et usagère. Sais-tu bien ce que tu fais? Je ne sais que toi, Isée. D'un côté, Isée, et de cet autre, tout. Moins que je n'y suis pas. Je te préfère, Isée. Non ! Parole comme un coup à mon flanc. Oh, main de l'amour, oh, main de l'amour, oh, déplacement de notre cœur, oh, ineffable iniquité, oh, viens donc et mange-moi comme une mangue. Il est donc vrai, mes âmes, que j'existe seule, et voilà le monde répudié, à quoi est-ce que notre amour sert aux autres, et voilà le passé et l'avenir en même temps renoncés, et il n'y a plus de parents et d'enfants et de maris et d'amis, pas rien, et tout l'univers autour de nous vidé de nous, comme une chose incapable de comprendre. Et qui demande la raison? Il n'y a de raison que toi-même. Moi, je comprends, mon bien-aimé, et je suis comprise. Et je suis la raison entre tes bras, et je suis Isée, ton âme, ce que nous font les autres. Tu es unique, et je suis unique, et j'entends ta voix dans mes entrailles comme une chose énorme et massive, et aveugle et désirante. Et taciturne. Mais ce que nous désirons, ce n'est point de créer, mais de détruire. Et que, ah, il n'y a plus personne que toi et moi, et en toi que moi, et en moi que ta possession, et la rage et la tendresse, et de te détruire, et de n'être plus gêné détestablement par ces vêtements de chair, et ces cruelles dents dans mon cœur. Non, point cruel. Ah, oh, ce n'est pas le bonheur que je t'apporte, mais ta mort et la mienne avec elle. Mais qu'est-ce que cela me fait à moi que je te fasse mourir, et moi, et tout, et tant pis, pourvu que ce prix qui est toi et moi, donné, jeté, arraché, lacéré, consumé, je sente ton âme, un moment qui est toute l'éternité, toucher. Prendre la mienne, comme la chaux astreint le sable, en brûlant et en sifflant. Isée. Me voici, Mesa. Pourquoi m'appelles-tu? Ne sois plus étranger. Je lis enfin et j'en ai horreur. Dans tes yeux, le grand appel panique. Derrière tes yeux qui me regardent, la grande flamme noire de l'âme qui brûle de toutes parts comme une cité dévorée. La sens-tu maintenant en ton sein? La mort de l'amour et ce cri que fait un cœur qui s'embrase. Voici entre mes bras l'âme qui a un autre sexe, et je suis son mâle. Et voici sous moi, passionnément qui abjure, et en moi, le profond dérangement de la création, comme la terre lorsque l'écume aux lèvres, elle produisait la chose aride, et que dans un rétrécissement effroyable, elle faisait sortir sa substance, et le repli des monts, comme de la pâte. Et voici une sécession dans mon cœur, et tu es Isée, et je me retourne monstrueusement vers toi, et tu es Isée, et tout m'est égal, et tu m'aimes, je suis le plus fort. Triste, je suis pleine, pleine d'amour, je suis triste, je suis heureuse, oh, je suis bien vaincue. Et toi, ne pense pas que je te laisse aller. Et que je te lâche de ces deux belles mains. Et à la fin, je n'ai plus le temps de rien contraindre. Oh, comme je me sens une femme entre tes bras. Et j'ai honte, et je suis heureuse. Et tantôt, regardant ton visage au mien, je sens comme un coup de honte et de flamme. Et tantôt, comme un torrent de mépris pour tout. Et de joie éclatante, parce que je sais, tu es à moi. Et je sais, je n'ai point honte. Isée, il n'y a plus personne au monde. Personne que toi et moi. Regarde ce lieu amer. Ne sois point triste. Regarde ce jardin maudit. Ne sois point triste, ma femme. Est-ce que je suis ta femme? Et ne suis-je pas la femme d'un autre? Ne me fais point tort de ce sacrement, je dis, cette espèce de sacrement entre nous. Non, ceci n'est pas un mariage qui unit toute chose à l'autre, mais une rupture, et le jurement mortel, et la préférence de toi seule. Elle, la jeune fille, la voici qui entre chez l'époux, suivie d'un fourgon bondé à quatre chevaux, du linge, des meubles pour toute la vie. Mais moi, ce que je t'apporte aussi n'est pas rien. Mon nom et mon honneur et le nom et la joie de cet homme que j'ai épousé, jurant de lui être fidèle, et mes pauvres enfants. Et toi, des choses si grandes qu'on ne peut les dire. Je suis celle qui est interdite. Regarde-moi, Mesa, car je suis celle qui est interdite. Je le sais. Est-ce que je suis pour cela moins belle et désirable? Tu ne l'es pas moins. Jure. Et moi, je jure que tu es à moi, que je ne te laisserai point aller, et que je suis à toi. Oui, à la face de tout, et que je ne cesserai point de t'aimer. Oui, quand je serai damné, oui, quand je serai prêt de mourir, oui, quand je serai damné, et qu'on me dise de plus t'aimer. Ne dis pas des paroles affreuses. Et voici d'autres paroles. Il faut que cet homme, que l'on appelle mon mari et que je hais, ne reste point ici, et que tu l'envoies ailleurs, où tu voudras. Non. Et qu'importe s'il meurt. Et tant mieux, parce que nous serons l'un à l'autre. Ici, je ne serai pas bien. Bien. Et qu'est-ce qui est bien ou mal que ce qui nous permet ou nous empêche de nous aimer? Je crois que lui-même désire aller dans ce pays dont je lui ai parlé. Il te demandera de rester ici, mais il ne faut pas le lui permettre. Et il sera bien forcé de faire ce que tu veux. Et il faut l'envoyer ailleurs, entends-tu, que je ne le vois plus. Et tant mieux s'il meurt. Et tant mieux s'il meurt. Bonjour. Et tant mieux. Mesa, voici mon mari qui a à voir par ici pour ses affaires. Des affaires qui ne vous regardent pas. Et Sise, voici monsieur le commissaire des douanes. Regardez-le bien. Il se méfie et qui tient un œil sur vous. On ne peut pas lui en faire à croire. Il m'ennuie, il est embêtant. Puisque vous êtes là, gardez-le, je m'en vais. Je vais voir mon gras Claus. Le bleu et blanc. Vous savez l'adresse que vous m'avez donnée, Mesa. Le gros cantonais, Afat. Oh, mon Dieu, non. Pas Afat. Surtout pas Afat. Non, c'est Atum que je veux dire. Adieu, monsieur de Sise. Tous mes compliments, monsieur de Sise. Adieu. Adieu, Mesa. Il faut venir me voir pendant que mon mari est parti. Je suis veuve. Je suis veuve, n'oubliez pas. Je suis veuve. Comment vont les affaires, Sise? Doucement. Drôle de pays, tout vient autrement qu'on ne le croit. Et c'est vrai que vous connaissez ce Rafat? Je le connais. Je vous en félicite. Il n'y a rien à gagner avec les Chinois, vous vous en apercevrez. Mais l'on me dit que vous partez, où allez-vous? Demain peut-être, je ne sais pas au juste. Je vais à Manille. Eh bien, je vous conduirai au bateau. N'en faites rien, je vous en prie, on part au bonheur. Et avez-vous réfléchi à ce que je vous ai dit l'autre jour? J'y ai pensé. Et qu'avez-vous décidé, car il faut que je le sache? Eh bien, c'est ma femme qui le veut. Je ne puis la laisser ainsi. Évidemment, ce n'est pas brillant, mais c'est régulier. Je crois que j'accepterai cette proposition que vous m'avez faite si aimablement, cette place. C'est ferme? C'est ferme. Eh bien, je vais donc m'en occuper. Je crois que vous avez pris le bon parti. J'espère, moi, ce n'est pas ce que je rêvais. Oh oui, vous êtes un poète, un homme d'imagination, mais vous avez charge de famille, il faut voir le positif, le sûr. Le sûr. C'est ce que je m'entends dire tout le jour. Et alors, maintenant, il me faut quelqu'un pour le chemin de fer. Vous savez, il y a une place énorme à se faire. Du courage, voilà ce que l'on demande, du sens, de l'initiative. Enfin, quelqu'un dans le genre d'Amalric. Avez-vous des nouvelles d'Amalric? Je crois qu'il a rejoint sa plantation. Voilà un homme. C'est un hableur brutal. Oh oui. Vous avez d'autres qualités. Vous êtes souple et fin. Vous auriez fait avec les indigènes. Ils se sentent à l'aise avec vous. C'est pourquoi j'avais pensé à vous. Dites-moi, quelle est cette place que vous me proposez? Oh là, il ne s'agit pas d'homme à conduire ni d'une œuvre à faire, non. Non, il ne faut qu'être ponctuel, si encore on pratiquait soi-même. Mais l'employé agencé à sa table exerce tristement son fisc. Ah. Il ne s'agit pas de votre goût, mais de votre pain à gagner, et des vôtres, la sécurité. Safety first. Je ne suis pas une machine. Si cette mission réussit, ma vie est faite. N'y pensons plus. Laissez-moi réfléchir encore. Non, si, croyez-moi. Non, le pays est mauvais. Les pirates, la misère, la fièvre des bois, et pas beaucoup de moyens de vous aider au commencement. Alors, moi, je n'hésiterai pas. Mais je ne suis pas marié. Non, Madame de Cise m'a recommandé de ne pas vous laisser partir. Bon, pourtant, c'est un an ou deux à passer. Et qui sait si vous ne pourriez pas la faire venir avec vous plus tard? Ma femme n'a rien à voir là-dedans et je sais ce que j'ai à faire. Peut-être. Mais ça, je suis votre homme, je partirai. Donnez-vous le temps de réfléchir. C'est tout réfléchi, je ne change point d'avis aisément, vous le savez. C'est donc vous-même qui le voulez. Rappelez-vous cela. Vous partez contre mon sens et mon conseil. C'est entendu, mais ça, je vous donne quittance. Eh, qu'il en soit donc ce que vous voudrez. Vous êtes un ami pour moi. Un sincère ami. Un bon, un sincère ami. Vous n'en trouverez pas un pareil. Vient de tomber sur le second acte du partage de midi, pièce en trois actes de Paul Claudel, transmise du théâtre Marigny à Paris. Voici maintenant le troisième et dernier acte. Au troisième acte, Isée, la femme sur qui pèse l'exigence pratique et qui avait abandonné son mari pour Mésa, a cherché à se soustraire donc à la damnation en délaissant aussi Mésa. Nous la retrouverons maintenant dans une maison chinoise où, avec Amalric, elle s'est réfugiée avec l'enfant, le bâtard, le fruit de l'adultère. Amalric et elle doivent mourir, l'homme ferait sauter la maison à la bombe et cette mort la délivrerait. Ce sera donc au cours de cet acte ultime que s'organiseront les péripéties les plus violentes du drame et, comme l'écrivait M. Thierry Maulnier, les somptueuses draperies du lyrisme. Amalric entre en scène, le fusil à l'épaule. Isée est dans un rocking chair. Hey. Tu fais mal? Non, sérieux. Ces vieilles pétoires ont un recul absurde. J'ai les épaules démanchées. Je suis sale comme un cochon. Je vais prendre un bain tout à l'heure. Je t'aime. Voilà le soleil qui se couche, Isée. On va quoi? Laisse-le se coucher. Il part. Il a affaire ailleurs. Vois-tu, c'est fini. On ne nous le ramènera plus. C'est dommage. Un brave soleil. C'est un brave soleil. Il n'y a rien à dire. Il nous a fait bon service. Et puis, il n'y en a pas d'autre. C'est triste de se quitter. Et lui, le voilà comme une grande bête jaune qui allonge sa tête sur votre épaule et que l'on caresse doucement de la joue. Adieu, mon beau soleil. On s'aimait bien tous les deux. Il est vrai que nous allons mourir, Marie? Je suis obligé d'en convenir. C'est drôle à penser. Pas le plus petit moyen d'échapper? Aucun. Nous sommes dans une trappe. Ils nous ont ménagé jusqu'ici. Ils m'aiment bien, dans le fond. Ce sont des braves gens. Les camarades y ont passé, c'est notre tour. Que veux-tu? Il n'y a rien à faire. Mais ils nous auront pas vivants. Allons. Serait tranquille, monsieur. Oh, j'ai encore dans l'oreille ces horribles cris quand ils ont forcé le club hier. Comme ça a pris feu tout à coup. Et cette femme qui a sauté du toit. Oh, il était horrible de voir ces corps jaunes brouillant tous ensemble comme une galette de verre. Et on dirait qu'ils n'ont point du vrai sang, mais... Comment est-ce que tu dis de... Oui, du latex. Tu m'expliquais pour le caoutchouc, le lait de ces affreux blancs de l'écombre. Oh, blanche entre les blanches. C'est drôle, tu vois, moi je les aime bien. Bah, ils sont gentils, quoi. Puis ça vous remplit un bateau comme du blé en vrac, ça. C'est-à-dire que ça coule dedans, pas de vide avec eux. Voilà, mon recrutement marchait fameusement. Adios. Fini le copra, fini le caoutchouc. Fameuse idée que j'ai eue de venir ici. Hein. Tu ne me laisseras pas prendre vivante. Non. Écoute. Quoi? Écoute, tu les entends crier? Tu entends? Oui, j'entends. Mais c'est pas une raison pour m'enfoncer tes ongles dans la peau, quoi. C'est quelques missionnaires que l'on coupe en deux, ou quelques bonnes dames protestantes qu'on est en train d'arranger. Ils ne vont pas venir ici? Non, Philippe. Ils ont été trop bien reçus l'autre jour. Il y a ici quelques diableries. Mon ancien boy est venu ce dernier soir. Je ne sais de quel jour, du renard ou du cochon. Et demain, il sera trop tard. Hop! Parti! L'ayant fritzé, faut voler! Il a bien pris quelle dure. Fameuse sauce que cette gélatine. J'ai vu l'autre jour lorsque ma mine a sauté. J'ose dire que c'était de la belle ouvrage. Hein? Ça vous déracinera la cambuse comme un petit volcan. C'est beau. Ça vaut mieux que de crever sur une pelle en porcelaine. Et nous ne mourrons pas. Nous disparaîtrons dans un coup de tonnerre, pêle-mêle, corps et âme. Que valait le fonds de commerce, le mobilier? Tout le tremblement, nous péterons par la clôture. Tout, allez, les chiens, les chiens. Toi et moi, et le bâtard avec. Quel regard. Ça m'amuse de vous dire ces petites choses. On passe brusquement sur votre visage quelque chose comme la flamme d'un coup de canon que l'on n'entend pas. Parce que c'est trop loin. Je ne sais pas. Toi, je me demandais pourquoi vous vous acharnez à cet éternel tricot. Je veux dire que le petit bientôt n'en aura plus besoin, c'est vrai. Il est malade. Très, très malade. Bon. Et de toute façon... Laisse-moi tranquille, je tricote, je fais ce que je peux. C'est ma manière à moi de prier, je prie. Est-ce que je ne l'aime pas, moi aussi, cet enfant? Est-ce qu'il n'est pas à moi, à présent? Oui. Comme si je l'avais fait. Il n'a pas d'autre père que moi. T'es pris, je l'ai pris avec. Tu es à moi, il est à moi. Voilà, et l'histoire est finie, à moi. Hein. Quand je t'ai retrouvé sur ce bateau, ah non, je dis tout de même, assez de plaisanterie. Hein. La voilà qui me revient sous le nez, à la fin, non. Faut en finir. Jamais je ne vous ai vu plus jolie. Tant pis. Je n'avais pas qu'à être la plus faible. Oh, t'as beau me jeter des regards de tigresse. C'est bien que je suis le plus fort, comme cela est écrit. Hein? Eh oui, je t'ai pas demandé ton avis. Hein? Ah, cette fierisée, avec ses chapeaux, sa chaise longue, ses éclats de rire et ses airs de reine. Mais on l'a prise tout de même. Et la voilà qui suit maintenant, bien soumise et bien fidèle. Avec ce grand diable d'homme qui marche le premier. Et le mari n'y en a plus. Et les enfants, c'est comme des petits chats morts. Et le dernier amant, comme un fruit qu'on a fini de manger. Et on s'essuie la bouche. Il y reste encore comme un petit goût. Un petit goût drôle. Alors les doigts dans le finger bowl, où il y a un petit bout de citron. Hein? Il y en a qui préfèrent une feuille de géranium, bien sûr. sais que ce n'est pas vrai. Tu sais que j'aime mes enfants. Tu sais que je pense à les avoir pris, je pourrais les reprendre. Bon, s'il y a quelque chose, j'ai dit que je ne savais pas. Et me voici avec toi. Pauvre Isée. C'est malheureux d'être une pauvre femme. Hein? Fais-moi un peu de thé, Isée. Rien que la rivière qui verdoie et que la rivière qui flamboie. Voici la marée de la nuit qui monte. Hein? Qu'est-ce qui se passe, mon pigeon? Oh, que c'est dur! Oh, Dieu, Dieu! Oh, ciel, que c'est dur! Allons, ne pleure pas, petit enfant, ne pleure pas. Tiens, voilà ton eau qui va déborder. Quelle bonne femme d'intérieur tu aurais faite, hein? N'est-ce pas, monsieur? J'étais faite pour vivre tranquille et bien défendue, comme toutes les femmes. Tu vois que je suis une bonne femme pour toi. C'est vrai. Ah, c'est bon de penser que tout est fermé, que nous allons mourir. Il n'y a plus personne pour m'injurier et me faire de la peine. Oh, tout ce que j'ai fait. Est-ce moi ou est-ce une autre? Mon mari trompé, quitté, mes enfants. Mes pauvres enfants, je les abandonne. Je ne sais même pas où ils sont. Et ce misérable homme que j'aimais et qui m'aimait plus que sa vie. À peine quitté, je le trahis. Je me livre à toi avec son enfant que je portais dans mon sein. Le fait est que notre Mesa a dû être estapafourdie. Il sait tout maintenant. Oh, quelle honte. Dans ces dernières lettres que j'ai reçues avant que le port fût fermé. Oh, je ne suis qu'une pauvre femme. Qu'est-ce que je sais? Qu'est-ce que je puis faire? Une femme comme moi, il est préférable qu'elle meure, qu'elle ne fasse plus de mal à personne. Je n'ai mis qu'un bol. Oui, il ne restait plus qu'une pincée de thé. C'est pas bien bon, mon pauvre chéri. Moi, je n'ai plus faim ni soif. Bois, ami. Et le lait? Tu peux prendre tout ce qui reste dans la boîte. L'enfant n'en a plus besoin. Pour moi, j'ai faim et soif d'autre chose, afin de ne plus exister. Et que personne ne me méprise. Mais de quoi te mépriserait-on? Tu es bon, Amadric. Je sais bien que je n'ai rien fait de mal. Quand je réfléchis et que tu m'expliques, je vois bien que j'ai fait absolument ce qu'il fallait, que les choses ne pouvaient pas être autrement. Que veux-tu? On a beau se raisonner, il y a des moments où c'est trop. Et c'est trop, et c'est trop, et c'est trop, et c'est assez! Oh, je n'en puis plus, je suis trop seule, arrachée à ce que j'aime. Et je suis trop malheureuse, et je suis trop punie, et je prie de mourir, et j'ai peur de mourir, et je suis contente de mourir. Cela est si dur, Isée? Non. Non, mon cœur, ce n'est pas dur. Non. Non, ce n'est pas dur avec toi. Non, je suis contente. Je ne regrette rien. Oui, ça m'est égal, et ce que j'ai fait, je le ferai encore. Et je suis en horreur à tous, et je n'ai plus d'enfants, et je n'ai plus d'amis, et je vais mourir, et je suis contente qu'il n'y ait plus rien que toi tout seul pour moi, et moi toute seule avec toi. Non, mon cœur, non, non, ça n'est pas dur. Cependant, il est terrible d'être mort. Et Amalric, dis-moi la vérité. Est-ce que vraiment il n'y a point de Dieu? Pour que faire? Si y en avait un, je te l'aurais dit, oui. Bien, n'en parlons plus. Sauf le respect dû à madame. Oh, tais-toi, ne fais pas l'idiot. C'est bon de n'avoir rien à se reprocher. Et ce que j'ai fait, je le ferai encore. C'est la faute à cet homme que j'ai épousé. Il y a des moments où, tu sais, c'est comme quand on sent qu'il y a quelqu'un qui nous regarde sans relâche. Et l'on ne peut échapper. Quoi qu'on fasse, par exemple, si l'on rit ou que tu m'embrasses, il est témoin. Il nous regarde en ce moment. Mais, mon Dieu, est-ce que c'est bien digne de vous et qu'il y a besoin avec une femme de quelque chose d'aussi solennel et sérieux? Un petit moment encore et patience. Patience, patience, nous ne sommes plus là. Oui, Amalric, dès qu'on marche, le pied sonne. Et c'est comme quand on marche dans la nuit, on n'entend pas, mais On sent qu'il y a un mur à droite, quelque part. Voilà le patois de Mesa. Ce sont des rêveries absurdes. Que ton Dieu nous regarde, mais pour lui, il ne nous regarde pas. Je t'ai sauvé de ce Mesa. Toi et moi, nous ne sommes pas des créatures de rêve, mais de réalité. Tiens. Voilà le soleil qui en a fini avec cette affaire de te coucher. Est-ce qu'un homme peut vivre sans le soleil? C'est comme s'il en était parti lui-même. Il m'a écrit des lettres affreuses. C'est injuste avec moi et pour cet enfant de moi qui est à lui, que je portais dans mon sein. Il est à moi, qu'est-ce que ça fait à un homme? Je savais que je lui faisais de la peine et je l'ai quitté. Oui, je me suis sacrifié pour lui. Et moi, il m'amenait, je suis douée, je veux vivre. Moi, je suis enfoncée sur le bateau et je me suis accrochée à toi. Et j'ai pensé que tu étais la vie et que tu me sauverais. Et que je pourrais vivre avec toi sainement, sincèrement, honnêtement. Très honorable. C'est drôlement ça que vous avez trouvé. Amalric, mon garçon, elle dit que c'est la vie que tu t'es pour elle. Oh, c'est aussi bien, je suis dans la règle. D'un seul coup, je meurs toute la vie que je t'avais donnée avec toi. Mais lui... Pourquoi est-ce qu'il m'a fait partir dès qu'il a su que j'étais prise? Est-ce qu'il aurait dû me laisser un moment? Je sais que tu étais à charge. Il est vrai qu'il me fallait partir. Je lui demandais s'il était heureux. Et il me regardait de son air de mauvais prêtre. Est-ce qu'il t'a aimé réellement? Comme tu ne m'aimeras jamais. Et je l'aimais. Comme je ne t'aime pas. Avec lui, c'était le désespoir et le désir, et un souffle, tout à coup, une espèce de haine, et la chair qui se retire et force du fond de mes entrailles, comme de l'enfant qu'on s'arrache. Tu m'avais vu, mais tu sais ce que c'est qu'une femme qui n'est point vaincue. Et ce désert qu'on est, et la soif, et la misère de l'amour, et cela... Que l'autre soit vivant et le moment où l'on se regarde dans les yeux. Et ce que c'est quand on vous fourre une âme avec la vôtre. Un an, ça... Un an, ça dure ainsi. Je sentais qu'il était captif, mais que je ne le possédais pas. Quelque chose en lui d'étranger, impossible. Qu'a-t-il donc reproché parce qu'il ne s'est pas donné? Moi, je me suis retirée. Et moi, je voulais vivre, moi, vivre. Et sortir de cet amour qui est la mort. Et cela est arrivé. J'accepte tout. Je t'aime, Isée. Mais oui. Et maintenant, je vais faire ma ronde et tout arranger. Voici cette nuit qui est encore à nous. Prend son fusil et ressort. Ise est seul en scène dans une pénombre presque totale. L'as-tu perçu toutes mes lettres depuis un an? L'as-tu perçu toutes mes lettres depuis un an? Pourquoi ne pas m'avoir répondu? Rien, pas un seul mot, pas une seule petite ligne. Mais que t'ai-je fait pour me faire souffrir ainsi ce que j'ai souffert? Que t'ai-je fait? Mais à la fin, c'est toi, et ça me suffit, c'est toi, et je ne demande rien, je ne reproche rien. C'est toi, mon âme, je te vois, c'est toi, et ça me suffit. Je t'aime, disais. Mais non, je désirais que tu partisses, c'est vrai. J'étais fou, et tu l'as deviné, mais j'ai vu que je ne pouvais pas me passer de toi, et tu es mon cœur et mon âme, mais le défaut de mon âme, mais la chair de ma chair, et je ne puis pas être sans Isée, et je ne crois pas tout ce que l'on m'a dit, et je sais que tu vas tout m'expliquer. Oh, bien sûr. Oh, bien sûr, bien sûr. Pardonne ces dernières lettres affreuses, j'étais fou, mais je ne crois pas que tu ne m'aimes plus. Non, Isée, je ne crois pas. Non, non, mon cœur. Non, mon cœur. Non, mon cœur. Mais parle seulement. Et tourne-toi vers moi, et dis-moi une parole, afin que je l'entende et que je meure de joie. Pourquoi? Pourquoi me traites-tu ainsi comme si je n'existais pas? Moi, dans la demeure des morts, je reconnaîtrai mon unique. Isée. Isée! Mais pars! Mais qu'as-tu à me reprocher? Comment ai-je mérité cela? Mais qu'y a-t-il que je ne t'ai donné? Mais dis la chose que j'ai réservée! Mon corps, mon âme, pour en faire ce que tu veux. Mon âme, comme si elle était à moi. Et tu l'as prise comme si tu savais ce que c'est. Si je t'ai fait partir, tu savais bien qu'il le fallait. Toi-même, tu le disais, puisque si j'étais absent, nous aurions tout arrangé. Maintenant, je t'apprends que Cise est mort. Et je puis te prendre pour ma femme. Et nous pouvons nous aimer sans secret, sans remords. Mais quoi, tu ne m'entends plus? Tu ne m'aimes plus, Isée! Non, Isée, je ne crois pas. Non, mon cœur, je ne crois pas. Non, mon âme, je ne crois pas. Non, non, n'est-ce pas? Non, tu es ici, et tu es ma bien-aimée. Je saurai bien te reprendre. Et qui est-ce qui t'arrachera de mon cœur? Allez, viens, lève-toi, je te sauverai. Je sauverai Isée de la mort. Tu vois, j'ai un signe sur moi que tout se respecte, oui. Je suis un vieux chinois, je connais les choses secrètes. Allez, viens, prends ton enfant. Notre enfant. Notre enfant, entends-tu? Est-ce que chose que la vie? C'est la vie que je t'apporte. Ainsi cela est vrai. Ainsi cela est vrai. Ainsi cet homme, tu l'aimes et moi tu me hais. Tu l'aimes et tu couches avec lui. Et la mort avec lui, tu la préfères plutôt que la vie avec moi. Mais tu m'aimais pourtant. Quand tu es parti sur ce bateau, je voulais te baiser la joue et c'est toi qui tout en larmes de force. Me prie la bouche avec la tienne. 15 jours. 15 jours seulement. Chienne! Qu'as-tu pensé quand tu t'es livré pour la première fois les gants résolus à un fichequin errant avec le fruit d'un autre dans ton sein et que le premier éveil de la vie de mon enfant se mêlait au soubresaut de la mer toute piquée du délice d'un double adultère? Mon âme que je t'ai donnée, ma vie que je t'ai communiquée, tu l'as prostituée à un autre. Et que pensais-tu pendant ces jours lourds que mon enfant mûrissait et que tu l'as porté à cet homme et que tu dormais augmentant entre ses bras tout empli des membres de mon fils? Ah, je t'en prie, je sens une petite chose qui tremble, ne me fais pas commettre un grand crime. Tu ne sais pas comme toi et moi nous sommes près de la damnation en ce moment, rien qu'une bien petite chose à faire. La mer. Ce n'est plus le grand soleil de midi. Tu te rappelles notre océan? Ce sont les mêmes cheveux. J'en reconnais l'odeur. Lorsque j'étais enfoncé en toi jusqu'aux narines, ainsi que dans un trou profond. Les mêmes cheveux. Mais de grosses veines d'argent se mêlent alors. Adieu, Isée. Il était temps en même temps ce dernier soleil de notre amour. Ce grand soleil de midi et doux dans lequel nous nous disions adieu dans la lumière dévorante, nous séparant, faisant de l'un à l'autre un signe. Désespérément au travers de la distance élargie. Adieu. Tu ne m'as pas connu. Ce grand trésor que je contiens en moi, tu n'as pas pu le déraciner, le prendre. Je n'ai pas su te le donner, ce n'est pas ma faute. Il fallait tout donner. C'est cela qui n'a pas parlé. Et pourtant, je ne t'ai pas aimé pour rire. Oh, Isée, si tu savais comme je te portais sérieusement dans mon cœur. Oh, ma bien-aimée, comme il faisait bon pour vous dans mon cœur. Mais tu n'as pas le droit, tu n'as pas le droit, tu n'es pas seul. Est-ce que tu as le droit de n'être pas à moi? Mais qui a-t-il en toi que tu ne m'aies donné? Et j'ai prié, mangé et aspiré, et qui me nourrisse de vitriol, de larmes et de désespoir. Mais réponds, vois comme je souffre. Tourne ton visage vers moi, dis-moi que ce n'est pas vrai. Isée! Qui est là? C'est moi? Almaric revient en scène. Mais à mon garçon, je ne suis pas spécialement heureux de vous revoir. Je viens reprendre cette femme qui est à moi, cet enfant qui est le mien. Je ne vous rendrai ni l'un ni l'autre. Je les reprendrai malgré vous. Voyez-vous ça? Et malgré elle, peut-être. Que dis-tu, Isée? Que préfères-tu, dis-le? Ou t'en aller avec celui-ci et vivre, toi et l'enfant, en se caractant la main, ou mourir avec moi? En cette coupe! Les deux hommes se sont battus. Mesa est à terre, terrassé. Assassin. C'est bien ce que je pensais. Je vais démancher l'épaule droite. Je crois que de son côté, il s'est démoli autre chose. Quel maladroit. C'est drôle. Comment on se comprend quand on se bat avec quelqu'un? Nous sommes mieux compris en une minute, Mesa et moi, que toute une vie côte à côte. Amalric, c'est affreux. Et comment est-il venu jusqu'ici? Il a dit qu'il avait une passe avec lui. Alors, Isée, nous sommes sauvés. Sauvés? Que tu dis ça sans joie. Et que mon mari est mort, paraît-il. Nous pourrons nous épouser, Amalric. Tout va bien. Eh ben voilà, une soirée excellente. Un sacré bon petit ménage que nous allons faire tous les deux. Amalric, ouais. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de l'emporter avec nous? Non, c'est impossible. Nous ne jouons pas l'abandonner aux Chinois. Il sautera à notre place. La machine était là. Il n'y a plus qu'à la faire marcher. Là. Ça y est. Amalric remonte la machine infernale. Amalric, on ne peut pas le laisser par terre. Ah, oui. Oui, tu as raison, mon lapin. Ce ne serait pas convenable. Je ne peux pas le laisser par terre. Il y a le bon Dieu de Mesa qui est là, qui nous regarde. Il faut le mettre en position. Un client comme ça, ma petite Isée, ça vaut la peine qu'on le regarde de haut en bas. Viens, ramasse-le. Ramasse-le. Comment ramasse-le? Oui, tu es forte, ramasse-le. Mais ramasse-le, je t'ai dit, tu comprends pas? Mais ramasse-le toi-même! Non, moi, j'ai l'œil, moi. Je suis photographe. J'ai quelqu'un pour dire comment il faut faire pour la ranger. Allez! Bon, ah. C'était pas plus gentil. Eh ben, à la fin, il a fini par le récupérer, son petit chien. Il y a le portefeuille qui est par terre. C'est la foi vraie. Il y a le portefeuille qui est par terre. Et il y a de l'argent dedans, sans doute. Sans doute, il y a de l'argent dedans, oui. Pour comment? Autant le ramasser. Bien sûr, mon petit, autant le ramasser. Mais ne regarde pas cette dégoûtée. Pardon, excuse. C'est tout ce que nous pouvions faire. Très bien. Tu n'as pas pris l'enfant? Il est mort. Amalric et Isée viennent de sortir de scène. L'obscurité est maintenant totale. Mesa agonise sur le fameux rocking chair au centre de la pièce. Me voici dans ma chapelle ardente. Et de toutes parts, des murs, il n'y en a plus. À droite, à gauche, je vois la forêt des flambeaux qui m'entourent. Non pas de cires allumées, mais de puissants astres, pareils à de grandes vierges qui brûlent. Et moi, l'homme, l'intelligent, me voici couché sur la terre, prêt à mourir, exposé comme sur un catafalque solennel, au plus profond de l'univers, et dans le milieu même de cette bulle d'étoiles et de l'essaim et du culte, à quoi pourvoit avec ses évêques et ses patriarches l'inépuisable clergé de la nuit. Au-dessus de moi, le pauvre. À mes côtés, au lieu de mur, l'infini et l'équateur des animaux fourmillant de l'étendue, cela que l'on appelle voie lactée, pareil à une forte ceinture. Salut, étoile. Salut, mes sœurs. Salut, brillant. Des profondeurs de l'infini, vous brûlez toutes à la fois en silence cette seconde qui me reste à vivre. Non, je ne suis pas seul. Et c'est bien vrai qu'aucun prêtre entouré de la pieuse communauté ne viendra m'apporter le viatique, mais déjà les portes du ciel se rompent et l'armée de tous les saints portant des flambeaux dans leurs mains s'avance à ma rencontre. Entourant l'agneau terrible. Pourquoi cette femme? Mais pourquoi tout d'un coup la femme sur ce bateau? Qu'est-ce qu'elle s'en vient faire avec nous? Est-ce que nous avions besoin d'elle? Vous seul en moi, à la naissance de la vie, vous avez été en moi la victoire et la visitation et le nombre et l'étonnement et la puissance et la merveille. Et le son, j'ai essayé, je me suis donné, mais vous ne m'avez pas accepté. Et c'est l'autre qui nous a pris. Ah, c'est malin avec moi d'être le plus fort. Et c'est malin aussi tout d'un coup de m'avoir apporté cette femme. On peut dire que vous l'avez choisie au bon moment. 40 jours sur ce bateau, et de m'avoir installé en face d'elle, sans que je puisse bouger. 40 jours en face d'elle, sur ce bateau, pour que j'aie bien le temps de la regarder, oui, oh, celle qu'il fallait. Dans un petit instant, je vais vous voir et vous m'interrogerez. Mais moi aussi, je vous interrogerai. C'est malin. Est-ce que je ne suis pas un homme? Pourquoi faites-vous le supérieur avec moi? Pourquoi est-ce que vous faites le Dieu avec moi? Non, ça va. Mais ça va bien. Mais n'écoutez pas. Mais ça va. Mais ça va, ne faites pas attention. Taisez-vous seulement. Qu'il y ait place de vous entendre. Il y a eu une fois communication de votre silence. Ça va bien. Il n'y a pas besoin d'explication. Les autres? Quoi les autres? Oh oui, au bon gré, malgré, cela existe, oui. Oh, mais pas moi tout seul. Soyez témoin que je ne me plais pas à moi-même. Oh, pas moi tout seul, mais oui. Regarde ça, je l'ai appris. On s'est joliment arrangé pour me l'apprendre et pour me le fourrer dans la tête, et pas seulement dans la tête, entre mes bras, et pas seulement entre mes bras. Quelqu'un avec mon âme pour se conglutiner avec moi par le moyen de mon cœur et pour me l'arracher. Ah, je sais maintenant ce que c'est que l'amour. Et je sais ce que vous avez enduré sur votre croix, dans ton cœur. Si vous avez aimé chacun de nous terriblement, comme j'ai aimé cette femme, et le râle, et l'asphyxie, et les taux, je l'aimais, oh mon Dieu, elle m'a fait cela. Tu l'entends, camarade? On nous a fait cela tous les deux. Au plus que le cœur, cette espèce de non-vivant en moi qui me fait et qui m'anime. Et on me l'a arraché. Et vous savez de quelle soif, ô Dieu, et sécheresse, et horreur, et extraction, je m'étais saisi d'elle. Et on nous a fait cela. Ah, vous vous y connaissez, vous. Vous savez, vous, ce que c'est que l'amour trahi. Et je n'ai plus peur de vous. Ah, cela valait la peine de créer le monde. Mais la croix par-dessus n'était pas trop. Et la voilà qui s'est sauvée. Parce qu'elle s'est sauvée, la voilà qui se figure follement que ça y est, que c'est fini. Comme s'il n'y avait pas ce million d'étoiles autour d'elle qui monte la garde. C'est cela que j'ai tiré au sort. C'est cela que j'ai gagné, cette loterie. Une sacrée loterie qui ne cesse un moment de se combiner et de se recombiner. C'est cela que j'ai tiré au sort. Cette personne, inexplicablement, cette âme, détestablement, pour que je m'y procure dans cette âme la clé de la mienne. Qui est-ce qui parle? Je dis, qui est-ce qui parle derrière moi dans la nuit qu'on ne voit pas? Mais ça, je suis Isée, c'est moi. Mais partez, il n'y a pas de temps à perdre, vous savez bien ce qui va arriver. Vous pensez bien que les Chinois l'avaient pourtant, c'était le courant à toute vitesse qui est emporté là-bas. Je n'ai entendu qu'un cri dans la nuit, une espèce de cri ridicule. Mais est-ce que vous rêvez encore? Les rêves sont finis, mes âmes. Il n'y a plus que la vérité. Mesa, je suis Isée, c'est moi. Mesa, je suis Isée, c'est moi. Et dire que c'est ça que j'ai aimé, pauvre Isée. Moi, je ne dis plus pauvre Mesa. Tout de même, il n'a pas réussi à s'en débarrasser de cette Isée. Ce n'est pas aussi commode que ça de s'en débarrasser de cette personne. Et voici les membres rompus comme un criminel sur la roue. Et toi, l'âme outrée sortie de ton corps, comme une épée à demi dégainée. Où tu es, je suis avec toi. Si tu savais pourtant, petit Mesa, si tu savais pourtant à présent à quel point je te haïssais. Oh, tu fais bien de me tenir et empêcher que je ne bouge. Cette haine en toi, comme je l'aimais, ce regard noir qui me regardait jusqu'à l'âme, cette espèce de haine sacrée, juste ce qu'il fallait pour mettre le feu à la mienne. Ah, tu as raison, c'était pas trop de mes enfants et de ma vie et de tout pour me payer ça. Quelqu'un m'assure que je l'ai payé cher. Payé cher. C'est ça que tu n'aimes pas. On fait semblant de tout donner, alors que pour être décidé, ah, on est bien décidé à tout garder pour soi. C'est comme ça que jadis on s'est offert au bon Dieu, mon petit Mesa. C'est vilain d'être avare. C'est vilain d'être un vilain petit bougre d'égoïste comme tu étais. Ce que Dieu n'a pu obtenir, toi, tu y as joliment bien réussi. C'est vrai que j'y ai réussi. C'est vrai que je te l'ai appris ce que c'est que d'être un autre. C'est vrai que je te l'ai appris pour de bon, ce quelqu'un pour de bon qui vous arrache à vos souliers. La moelle, mon petit Mesa, l'âme, comme on dit. La racine, c'est à ça que j'en avais. Il fallait quelqu'un pour ça, la croix. Est-ce qu'on y résiste à cette espèce de croix une fois qu'elle s'est mise à son métier? La femme, tout de même. C'est le bon Dieu qui l'a faite. Il faut bien qu'elle serve à quelque chose, la sale bête. Une croix comme une autre. Quelque chose de fameux. Tu ne me demandais que mon corps. Et moi, c'est bien autre chose que je te demandais. Quand on a tout pris à une femme, il faut bien lui donner quelque chose à la place. Tout de même, Mesa, si grand qu'il soit le monde, il y a une chose, Mesa, que lui ne pouvait te donner. Quelle chose? Ton nom vrai. Ce nom vrai que je suis la seule à connaître. Mon âme qui est ton nom. Mon âme qui est ta clé. Mon âme qui est ta cause. Ce nom à toi qui est inséparable de moi et qu'il te faut force pour me l'arracher. Je consens à toi, Isée. Je consens à toi, Mesa. Tout est consommé, mon âme. C'en est fait, Mesa, je suis satisfaite. Voici que tout le passé avec le bien et le mal... Et la pénitence entre les deux comme un ciment n'est plus que comme une base et un commencement. Maintenant, il y a la mort. Comme il est intelligent, ce petit Mesa, il a compris. C'est vrai, mon petit gars. Maintenant, il y a la mort. C'est de ma main seule que tu pouvais la recevoir. Mais ah, je suis Isée, c'est moi. Et ça, écoute, le ciel étoilé, je viens de m'en apercevoir à ce moment. Oh, c'est beau, le ciel étoilé. Dis que t'en étais jamais aperçu, le ciel étoilé. Oh, j'ai reçu ça en pleine figure, une espèce d'insolation. Tais-toi, silence, l'heure arrive. Tu te rappelles cette heure sur le bateau, en plein milieu de l'océan, dans l'anéantissement de tout? N'aie point peur. Oh, Mesa, voici le partage de minuit. Prends image de ce visage mortel, car tu ne me verras plus de cet œil de chair. Et donne-moi seulement l'accord que jaillisse comme une voix véritable à ta voix, à ton éternel Isée. J'ai été sous toi la chair qui plie, et comme un cheval entre tes genoux, me voici maintenant prête à être libérée. La nuit efface mon visage, souviens-toi. Souviens-toi dans les ténèbres de celle-ci, un moment qui fut ta vie. Par quelle route longue, pénible, distant encore que ne cessant de peser l'un sur l'autre, allons-nous mener nos âmes en travail? La vie, le signe, bon gré, mal gré, que nous avons été l'un pour l'autre. Le mien, ce n'est pas de 20 cheveux dans la tempête, ni le petit mouchoir en moment, mais tout voile dissipé, moi-même, la forte flamme fulminante dans la gloire de Dieu, l'homme dans la splendeur de loup, l'esprit vainqueur dans la transfiguration de midi. Mesdames, Messieurs, la radiodiffusion française vient de vous faire entendre, en transmission différée, la diffusion du spectacle du Théâtre Marigny à Paris. Jean-Louis Barrault vous a présenté Partage de midi, pièce en trois actes de Paul Claudel. Avec le concours de Edwige Feuillère, qui interprétait le rôle de Isée, c'est Jean-Louis Barrault qui jouait le rôle de Mesa, avec Pierre Brasseur dans le rôle de Amalric, et Jacques Dacmin, celui de Decis. La mise en scène était de Jean-Louis Barrault. Nous vous rappelons que le spectacle a été présenté par Robert Bruyère.